Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 55e émission des podcasts de VR4Player et on va discuter autour d'un VR. Et c'est une émission assez exceptionnelle pour nous et pour cela, j'accueille le beau Majo. Salut Majo. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va, nickel. Bon, impec. Ensuite, nous avons le sémillant Laurent. Salut Laurent. Sémillant ? Sémillant. Et moi, je suis pas beau, moi. Ça veut dire quoi pour les jeunes ? Sémillant, ça veut dire en fait qui est actif, qui est enjoué et qui amène la bonne patate positive. Impeccable. Oui, mais je suis pas beau, donc. Bah, on peut pas avoir tout. Hein. Bon, en plus, tu vas être jaloux parce qu'en plus, on a un invité exceptionnel pour cette émission. C'est le sensuel Ensuite. Zazel. Ça va ? Ah, le sensuel. Bah écoute, ça va très très bien et un grand merci pour cette invitation au podcast. Ça fait hyper plaisir de vous retrouver. Bah carrément, ça fait bien plaisir. Bon, j'ai mis sensuel parce que sinon, j'avais un truc qui rimait poutrelle, truelle. Ah oui, non, ça marchait pas. Mais du coup, non, c'est moins sympa. C'est donc, moins glam. Voilà. C'est moins glam, ouais. Donc voilà, Zazel, est-ce que tu peux te présenter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ouais, alors tout à fait. Alors, Zazel, du coup, moi je suis cofondateur avec Nick, que vous connaissez aussi, du coup, d'ETR. ETR, on est un site, un écosystème, on va appeler ça comme ça, avec une chaîne YouTube, une web TV. Sur Twitch, traitant de la VR, particulièrement sur l'axe PC, voilà, passionné, expert, moi je suis développeur également dans le milieu, d'accord, et consultant externe. D'accord, ok, donc tu touches et en tout cas tu partages aussi ta passion, notamment sur votre web TV qui est bien sympa et... On a eu le plaisir Merci. De participer il y a quelques émissions d'ailleurs, on te remercie encore. Et puis voilà, donc du coup, C'était super cool. Ouais, il faut absolument qu'on se refasse ça. C'est clair et net. C'était vraiment bien. Donc voilà, ce sera avec grand plaisir. Donc ça nous fait bien plaisir de t'accueillir. On va arrêter la lèche maintenant. À partir de maintenant, on taille. À partir de maintenant, on va tailler. Alors, PCVR, problème ou pas ? Non, c'est pas le thème de l'émission. Oui, le Quest 2, il y en a marre. Il y en a marre. Oui, Facebook, l'obligation d'un compte, ouais, tout ça. Non, mais il y aurait des tas de choses à dire sur la VR. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on aura l'occasion d'en remettre encore une petite couche dans pas mal d'émissions. Là, on va parler. Enfin, le thème principal de l'émission, ça va être une grosse annonce, quelque chose qu'on attendait depuis maintenant un paquet de temps. Nous passionner, et c'est évidemment. Et maintenant, en plus, ça a été officialisé vraiment. Et c'est évidemment l'annonce de la séparation des Daft Punk. Merci d'ailleurs. Vraiment la bonne nouvelle très, très triste, du début de l'année. Ah d'accord. Ouais, enfin, bon, ça aussi c'est un autre débat. Non, évidemment. Évidemment, c'est pas ça. C'est l'annonce officielle du PSVR 2 par Sony. Enfin. Donc voilà, on va revenir là-dessus un petit peu, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on espère, etc. En tout cas, vous donner toutes les informations dont nous disposons à l'heure actuelle. Sur ce nouveau device et puis voilà, en espérant que ça va renverser un petit peu la table de thé, ça serait vraiment sympa. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Sans aucun doute le faire, en tout cas. C'est fait, là. Il y a moyen que ça le fasse. En tout cas, le petit frame... J'ai rangé ma corde pour me pendre. Voilà, c'est bien. En tout cas, Moi, j'ai pris la hache pour flinguer Sony s'ils arrêtent pas avec leurs exclus, mais on va en parler très vite. Ouais. je comprends. Mais en tout cas, voilà, le petit frémissement qu'on avait ressenti il y a quelques semaines, voire même quelques mois, maintenant, c'est en train de se concrétiser vraiment. Donc voilà, on est plutôt jouasse et on va vous partager un petit peu tout ça. Mais avant cela, on va parler des dernières news, et ça c'est, comme à son habitude, Maître Lolo qui va s'en occuper. Mon petit Lolo, qu'est-ce qu'on a de croustillant ? Je suis un maître maintenant, ouais, c'est trop cool. Bah t'es pas beau mais t'es un maître, hein, tu peux pas tout faire. Donc. Bah c'est toi le chef. Hein. Ouais, c'est vrai, je suis le chef. donc on va parler de... Bah, on va commencer depuis le dernier podcast, on n'en avait pas parlé, de ce fameux scandale du drift. Le drift qui correspond à en fait les sticks des manettes de jeu, les personnages qui bougent tout le temps quand on touche pas au stick analogique des manettes. Donc en fait nous on est parti là-dessus, tout est parti en fait d'un article qui était sur le site iFixit, qui est un site, c'est un peu un site communautaire à la la Wikipédia, où en fait, c'est très pratique comme site d'ailleurs, parce qu'en fait, il démonte les objets, et quand il y a un condensateur, donc il s'occupe autant d'électroménager que de manettes, que de n'importe quel produit, et quand il y a un souci, ils expliquent comment les réparer, avec des méthodes, en achetant quelques condensateurs, un fer à souder, on peut les réparer. MacGyver, quoi. Mais ils ont aussi, au niveau du jeu vidéo et tout ça, ils ont souvent l'habitude de démonter les éléments, et les consoles, les machins, et de voir comment c'est fait dedans, s'il y a des faiblesses, etc. Et donc, cette semaine, on apprend, on savait déjà que la DualSense était déjà soupçonnée de drift. Il y avait un cabinet américain qui avait lancé une pétition, un formulaire pour récupérer au moins 500 témoignages de personnes qui avaient un problème de drift sur leur manette. Et c'est à partir de là qu'ils peuvent lancer un recours en justice. Ce qui a été fait, le recours est parti, et donc iFixit s'est intéressé après le recours sur ces manettes en expliquant pourquoi il y avait un souci de drift sur cette DualSense en particulier. Donc là-dessus, c'est sûr que quand j'ai vu ça la première fois, moi j'étais chaud bouillant parce que je me suis dit mince, il y a un problème de série, c'est pas bon pour la VR parce que c'est la seule console qui propose pour l'instant de la VR, donc il faut pas qu'elle se plante cette PS5 vu qu'elle est la seule. Et du coup, je me suis pas arrêté à l'article de iFixit et j'ai commencé à un petit peu à regarder ce qu'il y avait un peu de partout dans toutes les manettes pour s'apercevoir qu'en fait il y a la même chose dans toutes les manettes, notamment ce fameux stick qui est fabriqué par la société Alps Alpine parce que les usines, en fait c'est une entreprise qui est coréenne je crois, mais il y a les bureaux d'études qui sont en Suisse, dans les Alpes. J'ai commencé à regarder, j'ai regardé ce fameux stick qui est exactement, strictement le même dans les manettes DualShock 4, dans les manettes Xbox One, dans les manettes Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox Elite, Switch Pro. Tout le monde, quoi. Et c'est le même stick qui est aussi sur la Razer Raiju Ultimate. C'est des manettes à 200 balles Pro. D'accord. Donc en fait, à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai donc contacté la société Alps Alpine pour avoir des explications parce que donc la DualSense, elle a un nouveau modèle de stick qui est différent de celui de la DualShock 4 et de toutes les autres manettes que je viens d'énoncer. Et donc j'ai contacté la société pour savoir les différences entre ce nouveau stick de la DualSense et les anciens, et c'est là qu'ils m'ont envoyé très très sympa, ils m'ont fait passer carrément un dossier complet avec les dessins industriels, les fiches techniques, j'en ai un beau. Et là, en potassant ça, je me suis aperçu que finalement c'était quasiment les mêmes choses. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il y a un renfort en résine sur le nouveau modèle qui est dans la DualSense. Alors, est-ce que ça viendrait de là, que ce renfort viendrait empêcher l'axe de... Alors, chez Alps Alpine, ils m'ont garanti que non. Ils m'ont dit, au contraire, ce qui est marrant, c'est que l'ancien modèle des DualShock et tout ça, il n'est plus fabriqué chez Alps Alpine. Et toutes les nouvelles manettes vont recevoir ce nouveau stick, celui de la DualSense. Donc même s'il y a des manettes Xbox Series X qui sont en fabrication actuellement, ils auront les mêmes sticks que la DualSense. D'accord. Donc pourquoi cet article au final ? Parce qu'au final, en creusant un peu, tu en apprends. Ce qui est le plus choquant, c'est qu'il y a toujours cet effet presse. Il y en a un qui a commencé à dire... Il y en a un qui met le doigt, il y a tout le monde qui met le bras, quoi. C'est ça. La DualSense a un problème de drift. Et puis après, ça s'est emballé sur la toile comme un feu de paille en disant DualSense avec drift bons, PS5. Avec des bons titres, bien sûr. Ouais, sans trop de discernement, peut-être. Trois mots-clés dans tous les titres. PS5, DualSense, drift. Comme ce qui s'était passé avec la Nintendo Switch. Ouais. C'était la même chose. Alors, chose intéressante que aucun journaliste n'a pensé à relever, c'est que donc le cabinet américain qui attaque en justice, qui a lancé trois recours en justice, donc il en avait déjà lancé un pour Nintendo pour les problèmes de Joy-Con de Switch, mais il a relancé trois nouveaux formulaires pour récupérer, donc un pour Nintendo, un pour Sony et un pour Microsoft. Dans l'article, j'ai remis les trois liens. Mm-hmm. Donc en fait, ce cabinet-là, il sait très bien que c'est les mêmes sticks. Il sait très bien qu'il y a un souci certainement sur ces sticks. Ou sur, et bon, bah là, pour l'instant, la mode, c'est de taper sur DualSense. Mais à mon avis, c'est possible qu'on en entende parler sur Microsoft dans pas longtemps. Mm-hmm. Parce que, en tout cas, les trois recours sont en cours, justement. Parce que la PS5, c'est la console qui est un petit peu sur le feu de la rampe en ce moment, quoi, même s'il est plus disponible. Ben, c'est à avoir, c'est ça. C'est et ça. Puis pour un cabinet d'avocats, ça fait un moyen fabuleux de faire de la d'être pub. Devant de la scène, de faire de la pub. Et puis c'est un super moyen, si tu arrives à gagner, de gagner le pactole, surtout sur des entreprises comme ça. Donc, Zazel, t'as suivi toi un petit peu ça ou pas? Ouais, tout à fait. Alors, j'avais suivi principalement celui de la Switch, et oui, du coup, on sent bien qu'il y a une corrélation. Après, moi, je suis entièrement d'accord là-dessus. Hein, c'est cabinet d'avocat qui veut se faire un peu de beurre, qui veut mettre un peu de beurre dans les épinards. Après, bon, ceci dit, j'ai quand même le problème, mais bon, moi, je mettais plus ça sur le compte de l'usure, en fait, hein, tout simplement. Mmh. J'ai eu le problème, moi, avec la Switch à l'heure actuelle. Après, Nintendo, bon prince, les échanges, quand c'est... Sans difficulté. Non, j'allais dire une connerie, la mienne était sous garantie. Donc, voilà. Quoi qu'il arrive, ça rentrait dedans. Mmh. Parce que je crois que la réparation, elle coûte un bras, par contre. Hein. En tout cas, sur le Joy-Con, hein, parce que c'est quand même un petit bijou de technologie aussi sur Switch. Hein. Ouais, après, ça peut difficilement coûter plus cher que 60€. Oui. Qui doivent être le prix à peu près d'une manette. d'une manette, ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, après, bon, voilà, qu'il y ait une fragilité à ce niveau-là, je peux l'entendre. Effectivement, je salue le travail d'investigation de Laurent là-dessus. Oui, bien évidemment, il y a bien, comme bien souvent, un seul constructeur pour tous et tout le monde a le même problème. C'est ça. Donc, par contre, sur la Switch, c'est pas du tout les mêmes sticks. Je dirais que c'est à peu près les mêmes sticks qu'il y avait dans les PS Vita, en fait. Parce qu'ils ont, il y a beaucoup de gens qui ont dit Sony, ils mettent de la merde. S'ils avaient dépensé un peu plus, ils auraient pu mettre un truc de meilleure qualité et on serait pas embêté. Ça, c'est des réactions de joueurs qu'on a pu voir en commentaire. Et en fait, quand on se renseigne chez Alps Alpine, en fait, ce stick particulier qui est présent sur toutes les manettes consoles et pas des manettes mobiles comme la Switch ou la Vita, hein, c'est que les manettes consoles. Ce stick en particulier, c'est le haut de gamme de chez Alps Alpine. Il n'y a rien de mieux, en fait. C'est des sticks à potentiomètre et sur tous les modèles, c'est le seul qui a 30 degrés d'écart entre chaque capteur, en fait. Sinon, on peut retrouver ces mêmes capteurs dans des voitures pour ouvrir des fenêtres ou des choses comme ça, mais ils n'ont que 4 ou 8 axes possibles. Mmh. Alors que celui-là peut tourner dans tous les sens. Et c'est vraiment le haut de gamme. Par contre, il a été aussi critiqué que ces capteurs étaient soudés sur la carte mère de la manette, et c'est exactement le cas de la DualSense, mais c'est exactement le cas de toutes les manettes, en fait. Donc moi, mon coup de gueule, il s'est surtout porté là-dessus, sur dire pourquoi on tape, pourquoi il n'y a pas un journaliste qui a dit investiguer, on va faire notre boulot, toutes les manettes vont avoir un problème de stick tôt ou tard, quoi. Ah, j'ai des éléments de réponse, mais on va encore me dire que je tape sur les gens et tout. Oh, fais-toi plaisir, vas-y, on est là pour ça. On peut taper dans le tas, hein, c'est pour le clic, enfin, je veux dire, ça fait parler, hein, à partir du moment où les gens sont en colère, les gens se rendent pas compte, hein, mais qu'ils sont instrumentalisés, hein, là-dessus. À partir du moment où ils sont en colère, ils cliquent sur tout et n'importe quoi, tous les articles y passent, et un clic égale de l'argent, donc voilà, c'est de l'argent facile, en fait, hein, pour... C'est ça. Et surtout, ils vont cliquer sur des articles qui ont la même idée qu'eux, pour les conforter un petit peu, justement. Ah, dans une espèce de bulle, effectivement, là... Enfin bon, ça c'est un biais d'internet, malheureusement. C'est pas nouveau, quoi. Donc voilà, pour ce souci de drift, s'il y en a qui veulent aller un peu plus loin, donc on a fait une vidéo de 17-18 minutes qui explique un peu, et en complément de cette vidéo, parce qu'on a eu d'autres éléments après avoir monté la vidéo, j'ai rajouté les plans techniques des deux sticks existants, donc l'ancien qui n'existe plus et le nouveau qui remplace l'ancien. Je vous dirai pas les numéros de référence, ils sont intordables. Mais en fait, bon, voilà, j'ai mis une partie de, surtout la partie intéressante du dossier pour ceux qui veulent aller plus loin sur le site, sur l'article. Laurent, l'espion industriel, tu sais. Le mec qui... ouais, GG à toi, hein. C'est cool, c'est cool d'avoir fait ça. Ouais. Et à tout hasard, je me permets juste cette question. Est-ce que typiquement les sticks qu'on retrouve sur... alors nous, VRPC, on a le fameux problème des sticks, des manettes, des Valve Index contrôleurs. Oui, mais vous en avez. Typiquement, dans les... Mais nous, on en a, voilà. Et sur les manettes, typiquement, du Quest 2 et autres, ça serait intéressant de savoir si, justement, c'est peut-être pas le même fabricant, mais le même niveau de technologie. Des fabricants, en fait, il n'y en a pas des masses. Je crois qu'il y a un Anglais qui fait ça. Et Alps Alpine, c'est vraiment... en fait, 80% des sticks sur le marché sont détenus par Alps Alpine. Donc dans les 20% restants, je pense qu'il doit y avoir un petit concurrent ou pas. De toute façon, c'est vite vu. En démontant la manette, s'il y a des plastiques turquoises, c'est Alps Alpine. D'accord, c'est comme ça qu'on la reconnaît. Voilà. Ou alors, des fois, ils sont noirs ou turquoise, mais la forme du stick est très... On le voit en photo sur le site. Quand on ah oui, en 20 secondes, on comprend la forme, on sait que c'est Alps Alpine. Lors de ma prochaine session de rage sur Hyperdash, du coup, je ne manquerai pas d'exploser une manette et du coup, au passage, je regarderai. Tu vérifieras en même temps, mais c'est bien. C'est ça. L'utile et l'agréable, toi. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a, mon petit Lolo ? Alors ensuite, c'est plus court. Il y a un studio que, en ce moment, je suis tous les jours sur ce studio parce que je sais que ça va sortir. Ça va. C'est Impulse Gear. Mm-hmm. Donc les développeurs de l'excellent Farpoint ALM Controller. Et donc ce studio, on n'en entendait plus parler depuis facilement, on va dire 2018. Ils avaient sorti leur jeu, ils nous ont gâtés avec quelques DLC, un DLC coop et puis un autre qui s'était Cry, je sais pas quoi, dans la neige là. Le petit DLC. Cryopack. Et donc c'était calme plat, on n'en entendait plus parler. Et puis la fin du mois de décembre, pouf, ils ont posté un petit article sur leur blog en annonçant qu'ils étaient pas morts. C'est sympa. Nous aussi, non, c'est la mode. et là, on se dit. C'est un peu le retour des morts vivants en ce moment. Quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est clair. Et donc, ils avaient annoncé leur retour en disant que dans les deux prochains mois, au début, on en saurait plus sur ce qu'ils étaient en train de préparer. Alors, pour teaser le truc, ils avaient fait quelques photos du studio avec plein de petits post-it sur un mur. Et puis, tous les post-it, bien sûr, étaient bien floutés. Donc, j'ai passé mes nuits à essayer de lire et avec Photoshop à essayer d'éclaircir le truc pour pouvoir lire ce qu'il y avait écrit. Alors, il y a un petit truc de rigolo là-dedans. C'est que sur un des post-it, il y avait une référence à, je te l'ai dit, Majo, je ne sais plus ce que c'était. C'était pas un truc référence grec, au dieu des mers. De la mythologie grecque. Un truc par rapport à la mythologie grecque. Homère-Odyssée. Voilà, c'était ça. C'était Homère-Odyssée qui était écrit sur le post-it. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Farpoint, sur un mur, à un moment, quand on est, je crois que c'est quand on est dans le vaisseau de Farpoint, il y a un poster, et sur le poster, il y a un autre nom qui fait référence à ce même truc de mythologie grecque, qui a un rapport avec le dieu des mers, justement. Et donc c'est intéressant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est rigolo qu'il y ait un lien entre une affiche. Alors est-ce que dans Farpoint ils avaient déjà prévu de le faire et qu'ils ont teasé leur prochain jeu? Moi je m'attends à un Farpoint 2, hein, je vais pas le cacher. Tout en sachant que Farpoint le premier, c'était quand tu le terminais, en fait ça amenait carrément une suite en fait. Hein, c'était une fin ouverte. Hein. C'était une virgule. Ouais. C'était une virgule. Tu l'avais fait, Azazel, ou pas celui-là? Farpoint. Alors pour le coup, l'anecdote est hyper intéressante. Moi, j'ai fait un. Alors, je l'ai découvert il y a 2 semaines. D'accord. En live. Okay. Je me refais en fait un petit peu les classiques, les gros titres. Effectivement, les classicos, voilà, du PSVR en ce moment. Pourquoi? Parce que il y a un moment donné, la VRPC était très conne. À savoir que ça sortait sur PSVR, alors du coup c'était pas top et finalement Farpoint, du coup je m'attendais pas à un jeu scénarisé comme ça. Côté technique il fallait que ça tourne aussi sur PS4, on est très très loin de ce qu'on peut faire sur de la VRPC, on est d'accord. Mais franchement c'était top en termes de scénarisation, de mise en scène. Je pense que tout le monde d'entre vous se souvient en fait de le premier gros boss en plus qu'on voit, la grosse araignée dur à battre. Qui est très dur et sur lequel il y a du challenge et autres, et j'ai hyper kiffé. kiffé. Donc, et vraiment, j'ai passé mon temps à dire en live, mais putain, mais qu'est-ce qu'on était cons. Enfin, il y a un moment donné, il fallait qu'on lève un petit peu les yeux et qu'on regarde un petit peu juste ce qui se fait à côté. Donc, c'est une erreur que personnellement, je ne referai pas. Et une bonne leçon, en tout cas. Je comprends, j'étais un petit peu étonné quand t'as dit que le jeu PC VR, on va dire, de base était un peu con. Tu parles en fait de la multiplication des expériences, on va dire, sur PC, par exemple, du shoot de zombies, du shooter un petit peu bas du front et qui va pas non plus, enfin, qui a peut-être pas autant de ah, ouais, tout à fait, et puis devant la qualité. Et puis devant la qualité en fait du titre, il y a pas beaucoup de enfin il peut largement rivaliser en fait avec plein d'autres jeux. Alors qu'on s'entende aussi hein sur le et en plus j'y jouais avec la IM Controller qui est un vrai plaisir en fait, un accessoire pour moi indispensable sur le PSVR. Très clairement. Déjà parce qu'il a deux joysticks, hein, c'est deux fois mieux que les moves. Mais fondamentalement voilà. Ça, faut que je le démonte, mon AM, pour voir ce qu'il y a dedans. Tiens. Majo, arrête. Il y a peut-être un truc à creuser de ce côté-là. Toujours est-il que même si, effectivement, le tracking n'est pas parfait, on n'est pas sûr, la captation Lighthouse, notamment de Valve et autres, honnêtement, tu prends ton pied à jouer à Farpoint et j'en étais le premier surpris. Je vous dis à tel point que j'en tire des leçons personnelles sur le fait de pas s'arrêter aux idées reçues ou aux idées qu'on voudrait bien aussi nous faire croire derrière. Et si tu vois un truc tout bête en fait dans Farpoint, quand tu vises avec le fusil sniper, t'as vraiment une impression de viser avec un vrai fusil en fait. T'as pas un aplat de texture comme t'as tendance à le voir souvent, notamment dans des jeux comme Medal of Honor là qui est sorti il y a pas longtemps. Ou utiliser le sniper, c'est une tannée parce qu'en fait t'as juste une texture en fait de ton jeu plat qui est en face de tes yeux, et alors que t'as une impression en fait sur Farpoint qui était bien plus saisissant. Il a bien été refondu hein, quand même hein, le sniper du coup de Medal of Honor. Au début c'était une catastrophe, c'était un truc. Mais à se demander pourquoi ils ont fait ça comme ça. Moi je le sais, hein, c'est parce que quand un gros studio arrive pour faire un jeu en VR, il arrive toujours, vous savez, avec ses gros sabots en disant du jeu vidéo, ça fait 20 ans qu'on en fait, vous n'allez pas nous apprendre comment ça marche. Ouais, voilà, c'est ça, je vais vous montrer ce que c'est et autres. Eh bien, écoute, tu remballes, tu repasses ton jeu en phase de QA, parce que là, il faut 30-80 minimum pour le faire tourner, et puis ton sniper, il est injouable, et puis qu'est-ce que c'est que ces espèces de micro-gameplay entourés de cinématiques de 15 minutes. C'est vrai qu'au début, c'était chaud quand même, hein. C'était vraiment chaud. Les mini-missions, là, c'est pas ça reste en temps. Je l'ai défoncé, ce jeu. Il m'a mis hors de moi. Il est sorti en quelle année, Farpoint 2017 Il faisait partie du line-up, non, de lancement de l'IM Controller. De l'IM Controller, ouais. Non, parce qu'il y a des jeux en 2020, pareil, hein, quand tu rapproches au niveau de la visée et du snipe, on passe carrément sur des plans 2D. Hein. Hitman, je te l'accorde. Là, tu peux y aller. Tu peux y aller. Ah oui, par contre, le sniper de Hitman 3. Ah, c'est une merde. C'est vraiment de la merde. Le sniper, j'y dis plus jamais. Ah non, c'est clair. J'avoue. C'est dommage parce qu'en plus, c'est quand même assez emblématique de Hitman et ils ont complètement foiré le gameplay du sniper. C'est vraiment dommage. C'est pas fini, quoi. C'est pas fini. Ça couplé au tracking de la manette parce que du coup, vous gérez le sniper avec la DualShock 4. Non, j'y dis plus jamais. Mais du coup, c'est très très pratique pour revenir à Hitman. Franchement, ça m'a fait découvrir un pan du jeu qui est la full infiltration. Vous savez, Hitman, c'est un petit peu le genre de jeu où à chaque fois qu'on le commence, on se dit allez, ce coup-ci, je le fais en full infiltration. Et voilà. Et finalement, à chaque fois, ça part en sucette. Et puis vous finissez en mode bourrin, quoi. C'est ça. Le gros avantage, c'est qu'en VR, c'est impossible de faire Hitman en mode bourrin parce que soit faut viser et c'est pas vraiment super super jouable. Vous allez vous confronter en fait à des problèmes de gameplay. Donc du coup vous êtes obligé de le faire en mode infiltration et c'est ça moi que j'ai surkiffé vraiment dans Hitman 3. C'est de redécouvrir ce titre en mode t'as pas le choix, t'es obligé d'y aller en infiltration. T'es un peu bridé au niveau du gameplay. Mais en vrai, une fois que tu sais que la corde à piano, faut surtout l'éviter, et que le sniper est dégueu, au final, tu passes un très très bon moment, quoi. Ah oui, j'oubliais le fait que tu vas avoir tes deux bras constamment devant toi, un peu en mode chelou. Bon. Oui. Voilà. Mais on s'y fait. Et c'est l'un des jeux les plus vivants, dans le sens PNJ, dans le sens dialogue. C'est l'un des jeux les plus vivants, en fait, qui existe à l'heure actuelle en VR. L'immersion est folle, hein. est assez folle quand même dans ce jeu-là. Ouais. Justement, parce que voilà, c'est vivant, parce que c'est crédible et que ça marche. Et aussi, l'infiltration fonctionne très très bien. Et après, on arrête sur Hitman, on arrête de vous galer avec ça. Moi, je troll juste, les gars. pardon. Parce qu'en fait, l'infiltration fonctionne bien aussi parce que t'es immergé justement dans ton jeu, t'es obligé de regarder un petit peu. T'as une facilité pour regarder un petit peu à droite à gauche et être conscient de ce qui se passe autour de toi. Et ça, au niveau, je pense, du gameplay, par rapport à la version TPS plate, bah, c'est beaucoup plus facile, j'ai l'impression, de jouer en fufu, en VR, qu'en plat. J'ai l'impression, en tout cas. Alors, en tout cas, c'est obligatoire, à mon sens. Facile, je sais pas, mais en tout cas, obligatoire. Et c'est vrai que ce système, justement, où tu passes à côté des gens, tu les espionnes, tu les écoutes. Alors, par contre, gros coup de gueule, contre IO Interactive, il y a un moment donné, faut pas se foutre de nous non plus. Une VF, c'est en option, c'est en DLC, ça se passe comment? Je sais pas. Bah, en fait, moi, je suis assez... Enfin, on va me dire, oui, je pardonne tout à Hitman, mais moi, je suis assez... Hitman, en fait, il a jamais changé de voix depuis le premier sur PC qui était sorti il y a 20 ans maintenant. Et je suis assez attaché. Il y a jamais de VF sur la série Hitman. Je me souviens pas. En tout cas, j'ai toujours joué sur PC à Hitman et j'ai toujours, alors peut-être eu la version originale. Et c'est toujours la même voix et je suis vraiment attaché à la voix de Hitman, quoi. Il a une voix vraiment très particulière. Donc moi, personnellement, ça m'a pas gêné. Mais après, voilà, c'est personnel, très personnel. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un gros reproche qu'on peut faire à jeu, toutes plateformes confondues, hein, c'est que effectivement, bah, vu qu'il y a moins de budget, les VF, enfin les différentes versions audio de langue sont coûtent très cher et du coup généralement les studios font l'impasse. Et c'est vrai que pour un non bilingue, en fait, ça peut être quand même gênant. Hein. Un jeu comme Hitman, faut avoir les oreilles un peu partout. Mmh. Même moi qui comprends bien l'anglais, des fois, je loupe des trucs. Mmh. Et du coup, c'est assez frustrant. Mmh. Ok. Bon, c'était la parenthèse Hitman. C'était l'instant Hitman. C'était l'instant Hitman. Majo qui parlera plus jamais d'Hitman. Sinon, ça part en live pendant 5 minutes. Pas tant qu'il y aura joué, en tout cas. Laurent, juste pour finir sur Farpoint. Ah oui, Farpoint, c'est vrai. Il faut juste se rappeler des deux ou trois publications qu'ils ont fait sur leur site. Donc, le 1er décembre 2020, ils annonçaient qu'on allait entendre beaucoup plus parler d'eux au cours des deux prochains mois. Le 22 décembre 2020, ils ont annoncé que certaines annonces étaient à venir pour le début d'année. Donc, on est déjà au mois de mars. Donc, pour moi, le début de l'année. En plus, il ne faut pas oublier que Farpoint est pas gratuit, mais il est compris dans l'abonnement PlayStation Plus ce mois-ci. Donc ça concorderait avec un petit lancement de campagne marketing, donc à surveiller. Quoi. Malin. Ok, ensuite. Ensuite, une petite parenthèse sur la nouvelle chaîne secondaire. Donc pour l'instant, elle vient juste d'ouvrir, donc paniquez pas s'il n'y a pas grand-chose dessus. C'est une chaîne VRAC. Qui veut en parler? Vous voulez en parler? Bah, je veux bien en parler. Bah, en même temps, je crois que c'est à l'initiative de Majo, hein, qu'on a ouvert ce truc-là. Ouais, bah alors, il faut savoir que le concept a quand même largement dérivé de ce que j'ai proposé à la base. on est sur quelque chose de beaucoup plus construit que ce que j'avais proposé. VRAC, écoute, ça part d'une idée toute bête. C'est qu'en fait, on passe tellement de temps à tester des jeux, à jouer, et au final, on fait des vidéos qui durent une dizaine de minutes. Donc j'avais juste proposé d'ouvrir, comme on est quand même assez sérieux sur la chaîne VR4Player, j'avais juste proposé en fait d'ouvrir une chaîne secondaire pour y mettre nos rushs de gameplay en fait, pour montrer un peu aux gens qu'on fait pas que monter des vidéos et que râler quand on n'a pas de news sur la VR, que voilà, on joue aussi assez régulièrement et pouvoir faire partager ça aux autres et de manière toute simple. Des gens qui en doutaient. Scandale. Je suis bien d'accord avec toi. Bah, c'est vrai qu'ils ont toujours tous du mal à réaliser que nous on fait ça par passion et par plaisir. On aime ce qu'on fait, on a aussi envie de le partager avec eux. Et puis il y en a qui pensent que c'est absolument pour le pognon et tout. Et on a beau préciser tout le temps qu'on ne gagne absolument rien. S'ils savaient. Ça suffit pas quoi en fait. Donc, parce que c'est pareil chez nous. Hein. Je me suis dit, il y en a qui préfèrent ça, il y en a qui n'aiment pas. Bon, écoute, ça laisse le choix à tout le monde. Ceux qui veulent voir un peu de gameplay sur des plus longues sessions, ben, ils ont accès à ça. Ça ne demande pas spécialement de travail supplémentaire, hormis de monter un petit peu les rushs. Et puis voilà. Donc ouais. L'idée de base était celle-ci. Moins de montage, voilà. plus de contenu. plus simple. Puis, voilà, plus simple. Et puis bon, bah, pour y a la chaîne première qui est toujours là. Quoi. Voilà. La chaîne première avec les dossiers, avec des trucs construits, voilà, avec des trucs beaucoup plus sérieux. C'est plus complémentaire, on va dire. Voilà, c'est ça. Et puis du coup, eh ben, comme il y en a qui ont fait un peu le voilà, le but c'est pas forcément de se détacher du PSVR, mais c'est de plus passer sur un aspect joueur que pas spécialisé. Information. PSVR, voilà. Information. Voilà. C'est vraiment pour voir qu'on joue à tout, qu'on s'intéresse à tout, malgré le fait qu'on soit spécialisé PSVR, pardon. On est quand même capable de dire qu'est-ce qui se passe à côté. Et puis surtout, ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de jeux PC qui sortent des fois 6 mois, voire 1 an à l'avance sur PC, et qui arrivent après sur le PSVR. Donc si on a l'occasion de les tester avant, nous, ça nous fait gagner du temps aussi. Et c'est ce qu'on faisait aussi déjà un petit peu ouais, à la base. C'est ce qu'on faisait déjà, ouais. Ça permet de faire les comparos aussi. Plus simplement. Ouais, parce qu'on les connaît, les partages PC, VS, Quest 2, / PSVR. Ouais. On s'est déjà constaté. C'est taillé un peu dans la SERP. Enfin, il taille à la SERP, pardon, les assets. Donc, ça permet de comparer. Voilà, donc, et puis y a deux vidéos, je crois, si je dis pas de bêtises pour l'instant. C'est ça. Pour l'instant, il y en a un deux. Un petit gameplay de Steph, qui est lui aussi, qui est pas souvent là avec nous à cause de son taf. Et puis du coup ça le permet un peu de se remettre sur le devant de la scène. Alors, il a pas trop de contraintes horaires, je dirais, donc il peut un peu s'adapter à sa manière, donc ça le permet aussi d'être un peu plus présent et il est vachement investi dedans aussi, hein, faut le dire, parce qu'on parle de moi, mais au final moi je n'ai fait que lancer une idée, si tu veux, j'ai pas fait grand chose derrière. Et puis il y en a une deuxième où vous avez trippé là tous les trois avec Steph, Cyril et toi Sei. Yes, c'est hyper dash et voilà. Enfin, triper, si tu veux dire, enfin, si tu entends par triper se faire défoncer, oui, effectivement, oui, on a bien triper. On s'est bien fait triper la gueule. C'est le but. Ouais, effectivement. Le but, c'est d'en garder quelque chose, tu vois, que ce soit positif ou négatif, il faut quand même en garder quelque chose. C'est le plus important. J'en profite pour saluer la communauté d'Hyperdash. Mais ouais, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire après quelques mois, tu dis que le jeu a un potentiel de malade. Ah, il est vraiment, vraiment sympa, vraiment, vraiment fun à jouer. Les déplacements sont cool. Il y a le côté, ouais, justement, dash et puis les grinds sur les rampes qui apportent un petit truc. Après, il reste très classique dans sa construction, on va dire. Mais voilà, c'est bien. Il y a du monde, c'est marrant. Les gens sont plutôt bon esprit, j'ai l'impression. Même quand ils gagnent ou quand ils perdent, t'as toujours la fête à la fin des matchs. Donc voilà, c'est bien. Ça fait du bien un petit peu de voir une commu qui est positive, quoi, et qui est pas trop trollesque. Et beaucoup, beaucoup de Français. Beaucoup de Français parmi les meilleurs joueurs d'Hyperdash. Bah, c'est pas nous, hein, toujours. C'est sûr. Ah, c'est pas moi non plus, hein, je rassure. Mais d'ailleurs, on aura un live, nous, prochainement, où on a un membre de la Web TV qui a décidé de se faire coacher par le meilleur joueur francophone. Et, d'accord. Et ça promet. D'accord. Ah, ça va être marrant à voir, ça. Ouais, j'avoue. Bah, c'est cool. Ah oui, parce que aller regarder jouer et me regarder jouer, enfin, on joue pas au même jeu, en fait. Ouais. Concrètement, on joue pas du tout au même jeu. Donc, ça va donner. D'accord, ça marche. Ensuite, Laurent, t'en as d'autres du coup sous le coude ? Oui, un petit truc rapide cette fois. Ça m'a fait sourire. C'est les sites, carrément le site de la FNAC qui a planté la semaine dernière. Alors ils avaient lancé comme quoi il y avait un petit stock de PS5. Et alors là, il y a eu une vague de, donc ça a dû être partagé sur les réseaux sociaux. Il y a eu une vague de personnes qui est pas content, hein, parce qu'après, si vous allez voir sur leur Twitter, ils se sont fait insulter, mais comme c'est même pas la peine. Et donc la vague de personnes, trop de personnes connectées simultanément, et ça a fait planter pendant entre 30 à 45 minutes l'intégralité du site de la FNAC. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas des petits serveurs généralistes, hein, des sites comme celui de la FNAC, c'est des serveurs dédiés qui sont souvent prévu justement pour des pics à 100 000 connexions simultanées. Donc simultané, ça veut dire qu'il y en a qui arrivent, il y en a d'autres qui partent. Donc ça fait plusieurs millions de personnes, ça fait plusieurs centaines de milliers de personnes qui peuvent arriver. Et en simultané, le quota, et ça a carrément fait flinguer. Donc après, moi, j'ai contacté la FNAC pour savoir ce qui s'était passé. La réponse classique, c'est qu'il y a eu un bug. ouais. Bon, par contre, sur le site, pendant ces 45 minutes, il y avait écrit en gros « Nous sommes malheureusement victimes de notre succès. En raison d'un nombre trop important de connexions, le site est en rideau. Ouais. » Quand on sait les marges qu'ils se font sur les ventes de PS5, ce qui est assez drôle, c'est d'arriver à bloquer tout un site pendant 45 minutes alors qu'ils font leur argent sur les autres produits, en fait. Donc voilà, c'était un petit truc. J'avais envie d'en parler, donc j'en ai parlé, j'ai fait un article, voilà. pour rebondir dessus deux minutes, parce que j'ai dans le cadre de mes nombreuses casquettes, j'ai pu bosser pour eux, et y compris sur leur stack, justement, il y a dû y avoir, je sais pas combien, mais il y a dû y avoir un nombre hallucinant de connexions, parce que c'est redondé, load balancé, enfin tout ce qu'on veut. À côté, la SNCF, c'est du bipo. Sans offense pour eux s'ils nous écoutent, hein, bien sûr. Mais il y a dû y avoir un nombre hallucinant de connexions. Mais c'est ce qui m'a choqué, parce qu'il y a pas mal de visiteurs qui n'ont pas compris pourquoi j'avais fait cet article dans les commentaires. Ils disaient « Bon, bah, c'est normal, c'est tout le temps comme ça. » Je leur ai dit « Mais vous n'avez pas lu l'article ou... ?» Là, je parle d'un serveur de la FNAC. C'est oui, mais c'est normal, c'est tout le temps comme ça. Voilà. Je dis, à chaque fois qu'ils lancent des PS5, il y a tous les serveurs de la planète qui explosent. donc, je pense qu'il y a dû vraiment avoir une grosse vague. Et à mon avis, il ne devait pas y en avoir beaucoup, en plus, de consoles disponibles. Et ça a tenu 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il n'y avait plus de site. Même pas, à mon avis. Même pas. Ouais, tous les bots se sont rangés dessus. Quoi. Malheureusement, l'engouement est assez impressionnant, quand même, je trouve. Est-ce que c'est pas trop impressionnant? C'est peut-être une autre question. Hein, mais... Moi, j'ai toujours la PS2 en mémoire, où il y avait eu altercation, baston, ça avait saigné là, au Virgin Megastore. Mais là, c'est un engouement différent. Enfin, on en parle tout le temps, quoi. C'est vraiment quelque chose de. Et puis les médias continuent, tu vois, ils insistent. Nous encore, on en parle aussi, mais ça s'arrête pas, quoi. On parle juste d'une rupture de stock d'une console, en fait. Voilà. Et après, il y a tout un tas d'événements qui sont encore relayés. Et c'est, enfin, je trouve que c'est assez impressionnant, quoi. Moi, il y a un truc que je me demande. J'ai un truc que je me demande. Moi, c'est la PS5, elle est très bien. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient intéressés par la console, admettons, surtout maintenant qu'on sait que le PSVR2, en tout cas pour nous, hein, que le PSVR2 a été annoncé, mais pourquoi se battre à ce point-là pour la revoir maintenant ? Je veux dire, il y a quoi ? Il y a quatre jeux lié peut-être au Covid, les gens ne peuvent plus sortir le week-end, ils veulent à tout prix leur console. Il y a quand même pas de jeux, hein, faut pas se leurrer non plus. Oui, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, le multijoueur est désert. À part Astro. J'ai eu Godfall, j'ai pensé Godfall, il y a du monde, hein, quand même. Bon, après, c'est un jeu qui se joue à 3 maxi. Alors après, ça dépend des multijoueurs, mais quand il est réservé, quand les multijoueurs comme ça sont splittés. Il faut savoir que sur PS5, il n'y a personne. Très très peu de monde. Et là, même la presse en parle. Hein. Enfin, moi, j'en parlais avec des mecs de jeuxvideo.com. Et typiquement, sur certains jeux, même en tant que presse, ils galèrent à vraiment avoir une expérience optimale en termes de multijoueur. Ouais, c'est quel ça. Genre de jeu? Donc, parce que je piche pas. Tu veux dire que les jeux PS4, PS5 ne sont pas cross-console? Eh bien, ça dépend des jeux. Ah ouais. Ça dépend des jeux. Et il y a des builds qui différencient, qui silotent en fait les deux. Et du coup, bah, forcément, si c'est siloté, bah, tu galères à trouver du monde. Ouais. Ah ouais, d'accord. Okay. Alors par contre, faudrait creuser un peu hein, pour faire un listing des jeux. Hein, mais ils ne doivent pas être si nombreux que ça. Hein. Bon, enfin, le fait est que malgré ça reste quand même des jeux PS4. Enfin, puisqu'on parle de PS5. Ça reste quand même des jeux PS4 émulés. Et un peu opti PS5, mais il n'y a pas de gros exclus, tu vois, hormis Astro Playroom, Godfall, et puis j'ai oublié Spider-Man, et encore Demon's Soul. Même Miles Morales, voilà, Demon's Soul qui est, pardon, une exclu, mais même Miles Morales, c'est un jeu PS4, opti PS5, mais c'est pas vraiment, encore une fois, des jeux PS5. Mmh. Donc c'est vrai que, on espère que sur les six prochains mois, pour ceux qui en ont une, ça va un peu s'accélérer, mais voilà, il n'y a vraiment pas non plus, finalement, de quoi faire cet engouement. Ouais, et puis je pense qu'on peut relativiser aussi un petit peu. Je veux dire, dans le monde à l'heure actuelle, si votre plus grosse problématique ou source de rage en fait est de ne pas avoir une PS5, estimez-vous heureux. C'est qu'il y a. Ouais. Voilà. Ouais. Je préfère relativiser un peu là-dessus. Bah, on est des grands enfants, nous, joueurs de jeux vidéo, ça s'appelle un caprice. Non, mais je sais, mais oui, non, mais c'est ça. Mais quand c'est assumé en tant que caprice, je veux bien. Après, quand c'est un déferlement de rage et de sur Twitter, bon. Ça va même plus loin. Il y a quand même quelqu'un qui a pris 4 coups de couteau. Ouais. 4 coups de couteau. Oui, 4 Enfin, moi, j'ai lu 16. Mais bon, après, 16 coups de couteau. Ça dépend des versions, des articles. Bah, 4 fois 4. Ouais, c'est ça. Mais c'était 4, voilà. 4 coups de couteau chacun, impeccable. Ouais, mais voilà, c'est fou. C'est vrai que ça va loin, quoi. Ça va beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin, beaucoup trop loin pour juste une question de hype et puis avoir l'objet, quoi, finalement, parce que concrètement, c'est que ça, quoi. Donc, c'est. Oui, c'est... Bah, par contre, exactement. Petite dédicace à toutes les raclures qui, effectivement, ont acheté une PS5, au tarif normal et leur vendent x4 sur eBay. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Alors, moi, je connais l'inverse, quelqu'un qui l'a acheté x4 sur eBay. Ah oui, ouais. non, mais enfin, bon, après. Et qu'il l'a revendu. Il l'a revendu x4, il l'a revendu 100 euros. Voilà. Ah oui, non mais voilà, non, c'est ça. C'est hallucinant ce marché. Et nous, on a le même effectivement sur les cartes graphiques aussi. Ah hein, oui. Parce que les mineurs, les mineurs se sont emparés du coup du marché. Et c'est catastrophique. Effectivement, tu trouves des cartes graphiques. Moi, ma 3090, je pourrais la revendre x4, effectivement. Et oui, je trouve preneur. Ah, mais ça, tu vois, c'est quelque chose que je viens d'apprendre, le système de minage. Je ne connaissais pas du tout. Et c'est quand même fou de se dire que ça sert à ça, quoi. Encore une fois, on est pris par des gens qui préfèrent l'argent aux jeux vidéo, parce qu'au final, les scalpers sur PS5, là, les bots et compagnie, c'est la même chose. Et là, c'est les mineurs qui, eux aussi, veulent faire de l'argent virtuel. Et c'est casse-pompe, quoi. Laissez-nous tranquilles, les gars. Laissez-nous jouer, laissez-nous du matos. Mmh. Complètement. Et c'est pareil, dans un monde où on parle un peu d'écologie, pourquoi aller consommer l'équivalent de l'électricité de la Roumanie pour miner du bitcoin, quoi. Pour le revendre avec peut-être, enfin, je sais pas comment ça marche, mais peut-être pour en récupérer des vrais de l'argent physique, quoi, du dollar ou de l'euro. Ah oui, ah ben le bitcoin, c'est toujours lié à l'argent, flambé, hein. Et clairement, ouais, l'écologie, le bitcoin a littéralement flambé, hein. L'écologie, je suis bien passé, moi je bosse dedans justement pour me rendre compte que si c'est pas une contrainte économique, l'écologie, tout le monde s'en fout. Clairement. Ouais. Et aussi, Laurent, justement, avait fait un article il y a un an et demi à peu près, je crois. Une vidéo, ouais, un dossier. Une vidéo qui était assez. Qui était le cloud ultra, versus le physique. Voilà, ultra intéressante, ultra documentée et informative, qui a bidé complètement, qui a vraiment bidé. Mmh. Tout le monde s'en fout. Ça intéresse pas, ouais, en général. Le pognon passera tout. Faire des vidéos de chiens qui pètent, hein, sur YouTube, ça marche bien. Et puis ça sera dans Vrac d'ailleurs, sur la chaîne d'investigation. C'était un dossier qu'on avait fait avec Greenit, qui eux sont spécialisés dans l'écologie IT. High-tech, voilà. Et vu que nous, on n'est pas à fond dans l'écologie, c'est eux qui et puis donc il y avait eux, et puis il y avait aussi la directrice du CNRS de Grenoble qui nous avait aidés aussi. Super cool. Donc voilà, c'était intéressant, mais tout le monde s'en fout, en fait. Les joueurs y compris, même les joueurs qui sont. Il faut pas dire, faut pas attaquer le jeu vidéo, faut pas attaquer les data centers, faut pas attaquer, voilà. Non, mais bon, voilà. Et du coup, on peut rebondir sur effectivement la chaîne YouTube de Fixit qui lutte en fait vachement contre l'obsolescence programmée. Exactement, et ça c'est bien, c'est super cool. Mmh. Carrément. Du coup, on a fait le tour des news, mon petit Lolo. Non, une petite rapide. Le 10 novembre 2017, on avait fait un article, donc c'était vieux, hein, concernant l'arrivée sur PlayStation VR de Winslands 2. Plus de nouvelles, bien sûr, parce que en plus c'était les développeurs donc de Psytech Games qui nous avaient confirmé qu'il arrivait bien sur PSVR, et plus aucune nouvelle, donc on l'avait mis dans un panier, on le regardait plus. Alors, chose de drôle, c'est que le jeu est annoncé sur PSVR et il a été annoncé le même jour que l'annonce du PSVR2. J'ai l'impression que cette annonce de PSVR2, elle va peut-être débloquer pas mal de choses. C'était un petit peu le cochon. Ah oui, clairement ça. Oui, clairement, mais ça va ça continuer. Ouvert la porte effectivement aux développeurs, mais ça on en parlera juste après. Mais Wizland, effectivement, je regarde. Moi, dans mes souvenirs, c'était 2018, mais je savais pas exactement quand. Mais oui, effectivement, vous l'avez attendu longtemps, celui-là. Ah oui. Il est sorti sur le store Oculus le 12 septembre 2018. Après, il est arrivé sur HTC en 2019, et il devait arriver, en fait, la version PSVR devait sortir en même temps que la version HTC Vive en 2019, et elle n'est jamais arrivée, et à chaque fois qu'on envoyait des messages, il ne répondait plus. Donc j'ai dit, bon, c'est fini, quoi, on n'en parle plus. Bon. Et alors là, ça m'a fait sourire de voir que ça y est, cette fois, on va l'avoir. Winslands 2, vous pouvez déjà le noter, il arrive. Alors déjà, le 1, moi, j'avais beaucoup aimé. Il était sympa. Sympa. Ouais, je trouvais sympa. Et puis, ben voilà, ça fait un jeu de plus, quoi. Un petit jeu sympa. Après, c'est pas comme Starshine, hein, mais c'est ouais, un petit jeu sympa. C'est pas un truc de fou. Et ça, bon, Starshine, par contre, j'ai toujours un petit espoir dans un petit coin de ma tête de le voir revenir aussi celui-là, parce qu'il est en difficulté financière, hein, donc ça me ferait mal. Non, ils ont pas été rachetés encore. Non, mais bon, c'était en pourparler, on avait parlé il y a quelques temps de ça. Et... Ça tournait autour du pot, mais là, ils sont en difficulté financière, donc je sais pas trop si... On verra bien. Donc voilà, pour Winslands. Et puis, pour finir, un petit jeu. Alors, c'est le premier jeu... alors, indien ou hindou ? Indien ? Indien. C'est indien, on dit indien maintenant. Indien. Voilà. On dit indien. C'est pas un indien d'Amérique, c'est les indiens d'Inde. Voilà. Donc, un jeu qui est aussi annoncé sur le PlayStation VR, qui s'appelle Speedy Gun Savage. Donc, c'est un shooter où on... C'est un peu des cow-boys qui arrivent sur des planètes avec des aliens. Et il va falloir, comme les cow-boys, et ben récupérer des rançons. Donc, c'est un shooter. Ça a l'air plutôt sympa sur le peu de trailer qu'on a pu voir. À surveiller également. Donc, on vous en dira plus quand on l'aura en main. Niveau des sorties, est-ce qu'il est annoncé sur une sortie ? Alors, à la base, c'était un jeu qui était quand même pour les salles VR, qui a eu un très bon succès. Et c'est de là qu'ils ont décidé de le porter sur les casques. Il est prévu sur Steam le 9 avril 2021. Et au PSVR, il arrivera dans la foulée derrière. Voilà. Ok. Bah, oui, il a l'air assez. Enfin, il a pas l'air moche. Après, au niveau du gameplay, à mon avis, ça va pas péter loin. Mais on dirait vraiment, quand même, je sais pas, le synopsis qui est raconté par un mec bourré, quoi. Je veux dire, alors, t'es un cowboy, t'es dans le Colorado, et puis après, t'as des bestioles géantes qui t'arrivent sur la gueule, t'as des squelettes, t'as des extraterrestres, aliens. Et puis à un moment, voilà, enfin, c'est. Je veux dire, est-ce qu'il y a une ligne directrice dans... Est-ce que la pensée était vraiment claire quand ils ont l'idée de faire ça ? Je sais pas. Bon, est-ce que ça sera original pour autant ? Trois scénaristes différents, ils se sont jamais coordonnés. Ouais, c'est... Bon, après, on prend, on verra, hein. ça peut être sympa aussi. On peut être étonné. Clairement. Donc voilà, ok. Et non, c'est pas ok. C'est pas ok, bah vas-y, continue. J'en ai encore un. Vas-y, continue. Et là, va y avoir baston. Non, encore un petit. Star Wars Pinball VR, on n'en a pas parlé non plus, qui arrive. Alors pour ceux qui étaient... Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà joué sur le... Je ne sais même plus comment il s'appelait. Pinball FX 2 VR sur PSVR. Merci. C'est un jeu de flipper. Hein. Bien sympa. Par contre, ce qui était sympa, c'est qu'en jouant au flipper, y avait une interactivité. Quand on touche quelque chose, on se retrouve des fois avec un personnage. Je me rappelle, il y avait le requin des Dents de la Mer. Il y avait des requins, oui, tout à fait. Il y avait des choses comme ça. Et j'ai jamais été fan de flipper. De temps en temps aussi, pourquoi pas, j'ai dû y jouer quelques fois, mais je suis pas un accro de ce genre de jeu dans les bars. Et en VR, ça prend une autre proportion. Ça peut, même si on n'aime pas le flipper, ça peut devenir super sympa. Un peu comme un Tetris Effect, ou même si on n'aime pas jouer à Tetris, on va être dedans, quoi. C'est un bon petit jeu snack. En fait. Voilà. Et donc là, ils sortent carrément la version Star Wars Pinball VR. Alors, je vais foutre la merde un peu, c'est un truc qui me fait. Je savais qu'il allait y avoir baston. Je le savais. C'est que ils sont donc en contrat avec Lucasfilm et Disney. Et donc ils ont développé. Donc il y a l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3, l'épisode 4, l'épisode 5, l'épisode 6. Jusque là, ça va. Il y a Star Wars Rebels, il y a Rogue One. Il y a quoi d'autre ? Il y a The Mandalorian. Et ils n'ont pas mis le 7, 8 et le 9. Mais pourquoi ça ? C'est bizarre. Parce qu'ils n'ont jamais existé. Je vous laisse réfléchir. Mais d'ailleurs, ça serait une sorte, ça serait bien qu'ils le fassent, le 7, le 8 et le 9. Grave. Il n'y a pas Solo non plus. Il n'y a pas Solo non plus. Non, il n'y a pas Solo. Ouais, c'est vrai. Donc il arrive Steam VR, Oculus Quest 1 et 2 et PlayStation VR le même jour, le 29 avril 2021. Ça a l'air plutôt chouette. Ça se limite pas qu'à du flipper, parce qu'on va pouvoir on va gagner des points avec ces points. On va pouvoir acheter des casques de Star Wars. Alors il y a tout le fan effect qui est le fanboyisme qui est comme qui, tous les trucs Star Wars. Au rendez-vous, hein, c'est à l'enfant. Donc on va pouvoir se mettre un quadripode impérial dans sa chambre. On va pouvoir récupérer des casques de différents et les ranger sur un meuble. Bon, il y a plein de trucs. Ça va faire piou-piou. Du coup, ça peut être sympa. Donc, à mon avis, c'est un petit truc. C'est un genre de truc que je serais content d'essayer. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Après, il n'y a plus grand-chose à voir avec un flipper à proprement parler. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir des micro-expériences en fait au sein d'un jeu de flipper. C'est surprenant. Ça casse pas trois pattes à un canard hein, non plus. On va pas s'en cacher. Je suis vraiment surpris d'ailleurs qu'ils mettent la licence Star Wars là-dedans, en sachant tout ce qui pourrait être fait en VR, mais ça vaut le coup. Si vous êtes curieux et que c'est pas cher, j'aurais envie de dire attendez quand même les promos. Ouais. Ça peut être sympa. Un jeu snack. En général, ce genre de jeu, c'est 4€ l'épisode et ensuite c'est 2 ou 3€ le niveau supplémentaire quoi. Voilà, ils font leur beurre comme ça. Mm. Donc à voir après ce qu'ils se proposera et combien ça coûtera. Alors, tout à fait. Maître Lolo, est-ce que c'est bon ? C'est bon, j'ai fait le tour. Allez, super. Donc du tu coup, peux Razel, passer à la suite. Comme tu as d'autres engagements après l'émission et que tu vas devoir partir dans moins d'une heure. Je suis vraiment désolé. Non, mais pas de souci. Du coup, je pense qu'on va passer directement à l'annonce du PSVR 2 avant de parler de la salve de jeux qui ont été annoncés sur PSVR 1. On y reviendra du coup après. Et donc du coup le PSVR 2 voilà, a été annoncé. Qui est-ce qui veut en parler, qui a les détails? J'ai envie de dire presque Laurent parce que tu fais toutes les news en ce moment. C'est ça. Je vous lance sur le truc et puis après on débat. Ça restait quand même le plus heureux quand on l'a appris. Moi j'avais 3 heures de retard par rapport à l'annonce, mais tout allait bien. Ouais. Mais j'y croyais pas vraiment. Hein. Ma boîte mail a failli exploser par contre, parce que j'ai reçu je sais pas combien de messages. T'as vu la news Donc j'ai dit bon. Mais bon, donc oui, ça y est, cette fois c'est officiel. Le PSVR 2 est officiel. Ils ont enfin cité le mot. Non, ils ont pas dit PSVR 2, ils ont dit le casque de réalité virtuelle pour la PS5. Et d'ailleurs, Jim Ryan, est-ce que ce sera vraiment un PSVR 2? Oui, c'est sûr que oui, ça sera peut-être même pas un casque PlayStation. Donc oui. Annoncé. Donc bien sûr, l'ingénieur en chef qui a pris la parole. Je sais plus son nom parce que je suis pas fort en nom de mon japonais. Je le cherche. Tu couperas. Hideaki Nishino. Nishino. Oui, c'est ça. Hideaki Nishino. Ça. Je l'avais noté, je le trouve plus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Donc, officiellement, une expérience de divertissement ultime, des sauts spectaculaires en termes de performance et d'interactivité. Donc, bon, ils n'auront pas vraiment de mal parce que le PSVR a quand même 4 ans, plus de 4 ans. Donc, c'est clair que ils ont un système VR de nouvelle génération qui améliore tout. Donc ça aussi, j'en attendais pas moins, donc tout, c'est clair. De la résolution, le champ de vision. Ah non, le confort, non, ouais, j'aime le confort, bien. C'est dur, parce que le PSVR, s'ils peuvent l'améliorer, oui, c'est sûr que... Mais bon, moi ça me va comme ça. Le champ de vision, le suivi, et bien sûr, il y a eu cette petite phrase sur qu'il se connectera à la PS5 avec un seul cordon pour simplifier la configuration et améliorer la facilité d'utilisation tout en permettant une expérience visuelle haute fidélité. Alors là, bien sûr, à cette phrase, y a encore Internet qui est parti en couille. Tout le monde, vous avez vu, il y a un fil, le Quest il a pas de fil, là il y a un fil. Oh, calmez-vous les gars, ils ont garde clocher. Ils ont juste parlé d'un cordon, mais si ça se trouve, ce sera juste pour le relier à la PS5 et le truc sera autonome. Donc tant qu'on sait rien, c'est pas la peine de s'emballer. Et les mecs, ils étaient tous à fond. Donc, ça peut très bien être un fil relié à un système sans fil et le casque. Oui, c'est ça. En mode streaming, oui, tout à fait. C'est ça. Donc oui, là pour l'instant. J'y crois pas. Mais le Quest 3. Après, le Quest 3. Ouais, mais. Non, mais rigole pas, Zazel. C'est du lu. De toute façon, le Quest 3. Ah oui, bien sûr. Le Quest 3 sera mieux. Alors nous, oui, effectivement, le Quest 3, bah, en fait, on s'est retrouvé exactement dans cette même configuration, à savoir, détendez-vous, le Quest 3, il n'est pas sorti. S'il sort, il sera forcément rétro-compatible avec l'intégralité du marché, donc ça ne sera pas révolutionnaire. Et je vais avoir à peu près ce même discours là, avec le PSVR 2, je pense. C'est ça que, d'ailleurs, bah, ouais, après, je ne suis pas d'accord pour le PSVR 2, parce qu'il y a d'autres possibilités, justement, parce qu'on passe vraiment sur deux hardware différents entre la PS4 et la PS5. Mais c'est vrai qu'au niveau du Quest, tu ressens toi aussi, justement, j'exagère peut-être, mais le boulet, justement, de l'héritage boulet de la première génération et de l'écosystème Oculus Quest. Pour le futur du Quest, justement, tu penses que ça va vraiment être un frein ou... Bah, en fait, un frein, ben, en fait, oui et non. Faut savoir qu'à l'heure actuelle, la VR, il n'y a qu'un mot d'ordre, en fait, hein, chez tous les constructeurs, c'est la démocratiser. Et à partir de là, si on crée des scissions, des clivages, en fait, entre les générations 1, génération 2, alors qu'ils se font déjà de base à cause des refresh, hein, y a déjà une scission entre le Quest 1 et le Quest 2, hein, on ne va pas s'en cacher. Mais par contre, il est impossible à l'heure actuelle, ça commence à le devenir avec le Quest 2 parce qu'il s'est extrêmement bien vendu, mais impossible pour eux d'oublier en fait ceux qui leur ont fait confiance tout simplement avec le Quest 1 à l'époque et qui n'ont pas forcément les sous. Avec le Rift S ? Ouais, non mais. Avec le Rift S aussi, voilà, tout à fait, et qui n'ont pas forcément les sous d'acheter le Quest 2. Donc. Ouais, forcément, en fait, il y a une grosse envie. Là, on voit que le Quest 2 passe en 120 Hz, ce qui est absolument génial dans un sens, mais qui va toujours dans cette optique-là, c'est-à-dire qu'on va chercher vraiment à optimiser. Et en fait, il faut que la VR rentre dans une phase d'optimisation. C'est inconcevable autrement. Pour la bonne et simple raison, c'est que les bécanes ne peuvent pas suivre. Enfin, on a à l'heure actuelle des expériences qui, même avec une 3090, arrivent à ramer. T'as des jeux qui rament avec une 3090. Et avec ou sans stream, bah, disons qu'une fuite mémoire ou une mauvaise optimisation, quoi qu'il arrive, en fait, ça met plus de temps. Ça met plus de temps, c'est-à-dire que bah, ça va commencer à ramer au bout d'une demi-heure de jeu. Mais oui, oui, complètement. Complètement. Ouais, mais ça, c'est pas le genre de choses qui arrivent sur console. En non, général, et si on prend, parce que ces déclarations de maintenant, si tu les mélanges à ce qui a pu être dit il y a quelque temps de ça, la transition générationnelle, nous on y croit, je pense qu'il faut quand même qu'elle passe par le PSVR 2. Enfin, là, vu ce qu'ils ont fait, le PSVR actuel, il est fermé à la PS4. On l'a déjà dit, l'histoire de l'ouverture du kit dev PS5... un peu compliqué, mais pas possible sur le PSVR actuel. Les optiques, ils sont très légères sur des versions PS4. Tu sens qu'il y a une transition qui est en train d'être faite psychologiquement. Donc, est-ce que maintenant qu'ils ont... Ils ont quand même vendu 5 millions de casques. Alors, je dis pas que quand le PSVR 2 sortira, ils en vendront 5 millions. Mais par contre, tu vas avoir... 5,6. Donc 5,6. Je dis pas quand le PSVR 2 va sortir, tu vas en vendre 5,6. S'il te plaît, Majo. Non, mais je t'en prie, pas de problème. S'il te plaît, Majo, 5,6. Pas de problème, chef. Et les chiffres, c'est précis. Mais par contre, si tu veux, je pense qu'il y a suffisamment de joueurs actuels PSVR qui ont été un peu déçus, je dirais, du manque de jeu et qui vont avoir ce nouvel engouement pour la deuxième version. Si tant est qu'ils aient craqué pour une PS5 entre temps. Et qu'ils aient réussi à la recevoir aussi. Qu'ils aient réussi à l'avoir. Et je pense que l'engouement va être plus grand au départ, en fait, que la version 1 du PSVR. Et c'est sur ça qu'ils s'appuient. Et la deuxième transition générationnelle, je crois qu'il en a parlé dans le communiqué derrière, ça va être les jeux. Où ils vont passer sur des trucs qui vont être, j'espère, un peu plus sérieux. Et c'est ce que j'en ai compris, du moins, dans la déclaration qui est faite. Et que c'est voilà, tu vas vraiment avoir cette scission entre la première version du PSVR et la deuxième, quoi. Ça sera pas une adaptation comme tu parlais du Quest dans sa première, deuxième et troisième itération, du fait du catalogue multiplateforme. C'est-à-dire que pour vous, ça peut pas être un, allez, on va appeler ça un refresh. Dans la construction des choses. Non, j'y crois pas. Ne serait-ce que par la définition de la dalle, ça sera pas possible avec une PS4. J'y crois pas. Alors, qu'est-ce qui ferait en fait chez vous que on entre justement et que ça soit diamétralement opposé? Enfin, qu'est-ce que vous attendez comme feature qui techniquement le joystick. Alors, Le tracking. Ouais, mais ça, par exemple, on peut mettre les pieds dans le plat sur le joystick. Demain, on sort un PS Move avec des joysticks, ça ne change rien pour les développeurs, quasiment rien. Non, mais dans la tête des joueurs, façon, ça fait une idée reçue en moins, Zazel. Déjà. Ah, tout à fait, tout à fait. Mais par contre, dans la tête des développeurs, ils pourront adapter potentiellement leur gameplay malgré tout au Move dans une version dégradée. Ouais, mais c'est toujours très compliqué. T'en as qui se prennent pas la tête. Il y a des jeux où t'as des boutons qui sont inexploités sur les PS Move alors que tu n'as pas de joystick. Et ça, quand c'est des jeux à la première personne, voilà. Donc il y en a qui le font plus ou moins bien. Mais aussi, quand tu parles de démocratiser la VR, ce que tu disais tout à l'heure, il y a énormément d'idées reçues sur la VR. Il y a encore le motion sickness qui fait surface, clairement, qui refait surface. L'histoire des joysticks donc sur les PS Move. Le casque qui est vieux, le système de tracking, etc. Donc en fait, là, ce qu'il faut qu'ils fassent dans cette deuxième version, c'est qu'ils arrivent à gommer tout ça de la tête des gens, et tout en améliorant la première itération d'un point de vue purement technique. Et je pense que c'est là-dessus, si tu veux, qu'ils vont, ils vont casser le game, entre guillemets, sur la prochaine itération. Ouais, mais alors par contre, je suis entièrement d'accord avec toi sur ce qu'il faudrait faire. Là où je suis vachement sceptique, voire quasiment persuadé que ça peut pas être le cas, c'est sur le drastique changement en fait qu'il pourrait y avoir. Après, on peut imaginer des solutions comme un système de tracking hybride, c'est-à-dire que ton casque pourra faire de l'inside out, mais pourra aussi, au sein du SDK même en fait, bénéficier du tracking optique. Qu'à l'heure actuelle il existe sur le PSVR. On pourrait imaginer typiquement un casque qui aurait ces bandes bleues qui servent au tracking plus les caméras, c'est-à-dire que si tu veux entre guillemets garder ton système de tracking lambda, tu peux. Si tu veux utiliser l'inside out, tu pourrais, mais justement 5,6 millions de PSVR vendus qui ont attendu pendant X années, 4 ans du coup des jeux qui ne sont jamais venus, est-ce que tu pense que Sony est en position à l'heure actuelle de leur dire, écoutez les mecs, vous êtes bien gentils, mais en fait ce que vous attendiez c'est le PSVR 2. On est désolé que vous ayez acheté un PSVR, mais maintenant il faut raquer quoi. Ils ont quand même porté pas mal de jeux vers l'avant. Hein. Enfin, tout à fait. Je dis pas que tous les jeux doivent sortir de leur studio, mais par contre il faut qu'ils en fassent la com correctement. Et qu'ils les mettent en avant. Clairement. Tu prends un jeu comme Farpoint, la com elle a été faite. Tu prends un jeu comme Firewall, la com elle a été faite. On a eu je ne sais combien de trailers pendant que c'est sorti. Voilà. Il y a quand même eu des gros jeux qui ont été mis en avant. Blood and Truth, c'est pareil. Mais ce que les gens demandaient, si tu veux, c'était plus de jeux comme ça. Est-ce qu'ils vont en faire plus? J'en sais rien. Par contre, est-ce qu'ils vont en lancer à la sortie du deuxième casque? Je pense pas qu'ils soient pas. Sur le nouveau casque, je pense pas qu'il soit impossible de jouer au jeu PSVR actuel. Enfin, sinon, ça serait une aberration. Donc, je pense que ça le sera. Après, en plus, au niveau des contrôleurs, il tourne sur PS5. Donc, les jeux, ouais, mais après, il y a tous les contrôleurs peut-être à repenser en fonction de ce qu'ils sortiront. J'en sais rien. Bon, là, on fait des après, c'est là où ça devient compliqué. C'est-à-dire que tu peux. Et on pourrait vraiment se pencher sur le truc hein, et vraiment imaginer d'un point de vue technique ce que ça serait. Justement si le PSVR doit coexister avec le PSVR 2 parce qu'il y a des choses on va très vite arriver à des limitations où on ne pourra jamais demander au studio d'avoir deux builds complètement différents. Il faut notamment pour les contrôleurs, il va quand même falloir qu'il y ait un système de rétrocompatibilité et du coup cette rétrocompatibilité a des limites notamment si tu changes drastiquement le système de tracking. Et c'est là où, à mon sens, on va aller vers une amélioration, clairement. Je ne serais pas surpris qu'on ait typiquement, par exemple, deux caméras pour bénéficier, et que ces deux caméras communiquent en mode sans fil, par exemple, pour bénéficier d'un room scale. Deux caméras branchées sur la PS5, par exemple, ou deux caméras intégrées au casque? Bah, en fait, elle pourrait être sans fil. Elle pourrait être sans fil. C'est-à-dire, je pense que tu t'emballes. Enfin, on est dans le monde console, hein, tout est simplifié. J'y crois pas parce qu'en plus, la PS5 est déjà livrée avec une caméra filaire, en plus. Elle est pas livrée avec. Elle est pas livrée avec. Ils l'ont upgradée, en tout cas. En tout cas, elle est sortie, quoi. Elle capture en 1080p, voilà, c'est tout. Voilà, c'est ça. Ils l'ont bien upgradée. Et ce qui, fondamentalement, peut déjà faire énormément la différence. Typiquement. Bah, y avait des brevets qui étaient tombés sur ça, avec un tracking et par le casque et par une caméra frontale, enfin frontale en face. Oui, enfin, ouais. Mais c'est, ça fonctionnait avec des contrôleurs électromagnétiques. Il y avait toujours cette caméra, donc on peut imaginer la caméra PS5, et il y avait un récepteur et un émetteur qui était dans la console, électromagnétique. Et je sais plus qui c'est qui avait fait déjà ça. Il y a une société espagnole qui fait ça. Après, les capteurs de Magic Leap sont sous IMU aussi, et c'est quelque chose qui est bien, mais en fait qui est pas autonome, en fait, qui suffit pas à lui-même. Par contre. Et donc, moi, par contre, là où je suis, à mon avis, il n'y aura pas forcément de lien entre ce PSVR 2 et ce PSVR 1, dans le sens où je reste convaincu que les jeux PSVR vont être accessibles en standalone, en fait. D'accord, ok. On serait en mode. Effectivement, on en avait déjà parlé d'ailleurs. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que je le conçois. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que déjà Richard Marx en 2014, il parlait déjà que pour lui, l'avenir de la VR était sans fil. Plus récemment, il y a Dominique Malinson qui en 2019 a redit la même chose, a dit que sa priorité sur le prochain PSVR, ce serait de pas avoir de fil. C'est pour ça où je vais un petit peu de front quand j'entends les commentaires qui disent « Tu as vu, il va y avoir un fil. » Je trouverais ça inconcevable qu'il y ait un fil, ça ne me choquera pas, parce que finalement, l'Oculus Link est bien un fil. Mais qu'il y ait un fil pour brancher sur la PS5 et pour jouer à des jeux PS5 VR. Et par contre, le bénéfice, c'est toujours la philosophie de Sony de toujours les acheteurs de la PS5 puissent jouer à la PS4 et de garder cet écosystème PSVR et PlayStation, d'offrir aux acheteurs du PSVR 2 la possibilité de récupérer tout leur catalogue. Donc ce qui entraîne des contraintes techniques, hein, parce que là, on ne peut plus avoir 128 gigas de mémoire interne, mais plutôt des cartes. Pour pouvoir mettre un Resident Evil de 40 gigas dans le casque. Et donc, ça serait très très fort, parce que du coup, il se retrouverait sur le marché mobile, donc le marché standalone plutôt, avec un petit catalogue de 450 jeux. Mais ça, on le saura très vite, parce que si on voit que les développeurs qui vont pas tarder à recevoir les kits de développement PSVR 2, on va l'appeler comme ça. Si on voit que les développeurs s'affolent et nous sortent plein de jeux pour le PSVR, ça veut dire forcément qu'on va pouvoir y jouer sur le PSVR 2. Pas forcément. À ça, deux possibilités. Ceux qui ont déjà eu le casque PSVR et qui ont acheté une PS5 et qui jouent par exemple en rétrocompatibilité, et ceux qui ont acheté les jeux en physique, par exemple, tu achètes Resident 7. Est-ce que tu penses qu'ils vont devoir repasser, ou vouloir surtout repasser à la caisse pour pouvoir y jouer en mode standalone? Et surtout, est-ce que tu penses pas que Sony pourrait dire tout simplement, faire un petit peu comme Microsoft en 2014, bah, si tu veux jouer à Xbox sans réseau, bah, tu as l'Xbox 360, ils pourraient faire aussi la même chose là. C'est-à-dire, bah, si tu veux jouer au jeu PS4 VR, très bien, t'achètes un PSVR pour ta PS5 et basta. Et donc du coup vraiment créer une scission entre voilà si tu veux profiter vraiment de ton catalogue, c'est comme garder une PS3 pour avoir tes jeux PS3. Ça serait repartir de zéro. Ça serait pas forcément repartir de zéro, ça serait continuer justement sur. Mais s'il y a des jeux qui sortent, s'il y a beaucoup de jeux, en fait sinon c'est le syndrome PS5 au final. C'est-à-dire que la console elle est sortie et qu'est-ce qu'on se tape que des jeux PS4 ou de la génération d'avant optimisés pour la PS5. Ça pourrait freiner justement peut-être le développement de vrais jeux. VR PS5 quoi, en fait c'est ça le gros risque. C'est exactement mais ça serait aussi partir de zéro. Donc c'est... pour moi j'ai du mal à concevoir qu'ils puissent avec le PSVR qui est un accessoire se dépatouiller justement effectivement cette emprise entre deux générations. C'est pas vraiment un accessoire qu'ils ont à l'heure actuelle, c'est un peu entre les deux quand même, je le visualise pas que comme un accessoire. Bah, un PS, en fait, un si PS Move, Laurent, c'est un accessoire. Si comme Laurent le dit. Ouais. Après, moi, je le... Je vois. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il faut partir du principe. Réducteur, hein, non, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'il faut partir du principe qu'il peut devenir autonome et se suffire à lui-même, en fait. Enfin, C'est ça, ce serait hyper cool. C'est en ça que je te dis que je le vois pas comme un accessoire, moi, justement. Je le vois plutôt comme un truc qui aujourd'hui est linké, mais qui plus tard peut devenir soit linké, soit non. Je suis assez d'accord avec la partie autonome et catalogue PS4 qu'évoquait Laurent avant. Moi, je le rejoins totalement là-dedans, et c'est pour ça juste que je rebondis sur le fait que. Pour moi, voilà, faut pas le lier. Enfin, l'AVR en général n'est pas un accessoire pour moi. C'est une autre façon de jouer. C'est comme une autre console ou un autre PC, si tu veux, mais c'est une extension. Voilà, mmh. Plutôt, ouais, ouais. Oui, oui. Tout à fait. Je veux dire, pour moi, je vois parfaitement ce que vous voulez dire. Pour moi, au final, ça va devenir un truc à part entière. Techniquement, la PS Vita, le processeur de la PS Vita était développé par Toshiba avec IBM et Sony. Et c'était exactement le même trio qui s'était occupé du sel sur la PS3. Et donc là, je ne serais pas étonné de voir AMD, qui a quand même bien les boules avec les puces M1 et A14 d'Apple qui sont sorties, qui cassent tout. Tout ce petit monde, Samsung, AMD, Nvidia, tout ça, ils ont les boules sur les puces mobiles, donc Snapdragon, Qualcomm, ils vont tous riposter. Et donc ce qui m'a fait pas mal rire, c'est justement qu'Apple, avec la A14, ils disent cash, déjà la puce, c'est une puce qui coûte à peu près 40€ dans le prix d'un matériel. La A14 Bionic, elle dépasse déjà la PS4. Donc, ce qui veut dire que si le PSVR arrive l'année prochaine ou dans un an et demi, est-ce qu'ils vont déjà partir sur une puce de ce genre-là? Parce que même la Snapdragon 888, elle est incapable de... Elle tape quoi? Elle tape 1,3 teraflop. Elle sera pas elle pourra pas récupérer ce catalogue PSVR. C'est pas possible. Donc là, il faut déjà taper sur du A14 Apple pour arriver à avoir la puissance suffisante pour faire tourner les jeux du catalogue existant. Après, on va dire si la puce est trop chère, parce que là, on rentre dans un autre problème, c'est que AMD et Sony est-ce qu'ils vont s'amuser à développer une nouvelle puce pour mettre dans un PSVR 2 sur un marché de niche qui rapporte pas forcément bien et surtout vendre à perte un casque au final. C'est là où je me demande aussi, il y a une autre solution, c'est plutôt que de développer une puce AMD qui serait plutôt coûteuse, on sait qu'en décembre dernier, il y a la presse qui s'est bien emballée sur un brevet où il y avait deux APU, deux processeurs qui étaient en ligne avec, je crois qu'il y avait, plusieurs choix, il y avait soit un GPU, deux APU. Donc ils avaient doublé les processeurs. Et je me demande si tout le monde avait teasé en disant « Ouais, la PS5 Pro, elle aura deux processeurs, tout le monde était parti. » Je me demande si ce brevet, il ne parlait pas justement d'un casque. Parce que l'avantage de ça, c'est qu'en doublant les puces, alors certes, en doublant les puces, la puissance sera légèrement inférieure qu'un seul processeur, ça c'est sûr. Mais par contre, si l'objectif c'est d'arriver à 1,8, ils peuvent très bien partir sur deux puces pas très chères, comme une Snapdragon 855, ils les doublent, et ils arriveront à faire tourner la puissance d'une PS4. Et du coup, les coûts de développement seront beaucoup plus bas avec un biprocesseur. Donc il y a des possibilités. Maintenant, c'est sûr que si demain ils arrivent à sortir, s'ils sortent un PSVR 2 filaire qui n'a aucun lien avec son catalogue PSVR et tout ça, je dirais que le Quest, maintenant, il vient de poser quelque chose sur le marché qui est acquis pour un joueur. Et si c'est pas ça, je pense que ça va pas. Si ça ne propose pas, bonne en tout cas. Ouais. Après, est-ce qu'on est. Alors, justement. Et j'en profite, c'est très intéressant. Je n'avais pas du tout cette réflexion-là il y a quelques semaines, vraiment avant de commencer à rattraper mon retard, hein, on va appeler ça comme ça, sur la partie PSVR, justement avec des jeux comme on a cité, hein, Farpoint, Firewall, Zero Hour, Hitman, Resident Evil 7, aussi. Wipeout, ouais, tout à fait. Pour moi, c'est pas vraiment deux mondes qui s'affrontent, en fait. J'ai des sensations sur un Resident Evil 7 que je n'aurai jamais dans de la VR PC. Pourquoi ? Parce que je joue assis. En fait, j'ai un problème à me dire que Sony joue dans cette cour-là. Je m'explique pourquoi. Parce que, par habitude, mais alors là, c'est vraiment par habitude, et là, ce que je vais dire là est de l'ordre du ressentir. Par habitude, j'ai vraiment l'impression que quand Sony communique sur la VR, ils cherchent pas à avoir des sportifs. C'est-à-dire que ils font le maximum pour que la VR reste au grand public avec cette image de tu peux quand même t'asseoir dans ton canapé, te poser et jouer à un jeu VR. Complètement. Et en ça, vraiment, je déconne pas, hein, quand je dis Resident Evil 7, alors j'ai changé deux fois de couche, etc. Mais t'as vraiment des sensations dans Resident Evil 7 quand ton personnage se casse la gueule, par exemple, ou que tu ne peux pas avoir en fait quand t'es en room scale. Parce que alors là, ce serait pas gerbant, ce serait tu te casserais la gueule. Une opportunité pour toi de vraiment te casser la gueule dans la vraie vie. Donc dangereux. Donc un truc sur lequel jamais personne ne va. Et je pense qu'il y a vraiment un marché du côté de Sony à porter ces jeux, mais autrement. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à room scale, on arrête de penser que c'est péjoratif de ne pas en avoir. C'est l'erreur, hein, très exact. Clairement, que je faisais juste avant. Et on va y aller franco sur des licences. Typiquement, Resident Evil 7, c'est combo. C'est-à-dire que tu as un excellent jeu VR, et en même temps, pour ceux qui n'ont pas envie de craquer, un très très bon jeu flat. Et je pense que c'est vraiment là-dessus que Sony devrait axer son truc. Parce que justement pendant cette alors je dis pas que ça va rester comme ça, hein, pas du tout, mais justement dans cette phase un petit peu intergénérationnelle, un peu bizarre, sur lequel les gens vraiment j'aurais vraiment du mal à croire que Sony fasse un coup comme ça aux gens qui ont cru en eux, et sorte un PSVR 2 diamétralement différent sans faire le lien, une rétrocompatibilité. Et à partir du moment où il y a cette notion de rétrocompatibilité, il y a vraiment un verrou et une barrière technique qui fait que les studios ne pourront pas faire des trucs de ouf non plus. Le tracking, fondamentalement, c'est quoi ? C'est des coordonnées. Bon, à la rigueur, si on passe d'un tracking optique à un tracking side-out, on s'en fout. Le casque, lui, rebalancera des coordonnées. Et il y a moyen de faire en sorte d'avoir un mapping en fait, au sein du code qui fait que c'est réinterprété de la même façon. Du finger tracking, pourquoi pas, parce que si vous avez du finger tracking, au final c'est pareil, c'est juste des coordonnées, un petit capteur de capacitif, et puis on arrive comme ça à détecter les doigts. Il y avait des vidéos comme ça qui étaient sorties et ressorties là il y a pas longtemps. Sur des projets qui avaient été faits, ça c'est plutôt cool. Augmenter la résolution, ça tout le monde peut le faire, mais c'est pareil sur la résolution, attention, parce que ça veut dire que, et on le voit, augmenter la résolution là sur PC, je vous dis, une 3090 sur certains jeux va pas être capable d'assumer un Oculus Quest poussé à un super sampling de 1.7 pardon, parce qu'on arrive à des résolutions qui sont complètement démentielles. Le FOV, c'est pareil. Si vous augmentez de ne serait-ce que 20 degrés en fait votre champ de vision, et 20 degrés c'est rien, mais ça suffit. Typiquement, je vois le Valve Index. Pour moi, le Valve Index avait le bon compromis, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté un petit peu le champ de vision, mais c'est tout. Et en fait, il y a un effet psychologique qui fait que les gens arrêtent de se focus sur l'effet tunnel en fait qu'on a au sein du casque. Et pour moi, ça suffit, c'est le bon compromis. Sur ce sujet-là, j'ai une petite théorie qui ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête, cette histoire. C'est pourquoi pas rester sur du 100-110, allez, on va dire 120 degrés. Ouais. 110, c'est celui du PSVR, hein. C'est bien ça. Le PSVR, il est un petit peu en dessous de 110. Il a toujours été annoncé 90, à 110 marketing. Non, il a plus de 100. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient tout le temps, niveau marketing, il est à 110 degrés, mais c'est pas vrai. Pas tout à fait. Il est à 105. Parce que comme ça. En ce moment, j'alterne pas mal justement entre le PSVR et puis le Rift S. Et j'ai vraiment l'impression que quand je mets le PSVR, voilà, le FOV, il est beaucoup plus. Beaucoup plus confortable que celui du Rift S, où j'ai l'impression de mettre un masque de plongée, quoi. C'est justement là où j'attends Sony, moi, parce que ils aiment bien bidouiller, ils aiment bien révolutionner les choses. Trouver des petites astuces, ouais. Voilà, des petites astuces. Et la dernière fois, moi, ça fait un petit moment que je pense au téléviseur Philips Ambilight. Qui te projette en fait d'avoir des petits néons et qui de toute façon à la périphérie de tes yeux tu vois flou, tu vois rien, donc en fait tu balances un 110 ou un 120 degrés, tu parlais du prix tout à l'heure, mais et au pourtour du diode, mais dans un casque qui aurait pas grand chose en diode, Et au pourtour de ton écran dans ton casque, bah, tu as des petites LED qui vont changer de couleur, qui vont te donner l'impression d'avoir l'image un peu plus grande. Ça fait un petit moment que je me pose cette question. Je peux peut-être rebondir là-dessus avec un casque, du coup, que alors que personnellement, j'aime pas trop. Enfin, voilà, une société chinoise que personne ne connaît, qui startait. Enfin, non, je déconne, c'est pas IMAX. du coup, les premiers, en fait, à avoir fait des casques à haut FOV. donc. Et pour moi, effectivement, et c'est là où c'est marrant, je te rejoins complètement sur le côté ambilight, c'est exactement comme ça que je traitais Pimax, alors que bon, c'est clairement plus que de l'ambilight, mais c'était tellement déformé, tellement machin. Et je pense qu'il ne faut surtout pas sous-estimer le côté psychologique là-dessus. Effectivement, je te rejoins dans le sens où il vaut mieux faire limite de l'ambilight que de faire une espèce de vision périphérique ultra déformée. Mmh. Ça coûtera déjà moins cher en écran. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher aussi en ressources, forcément. Non, il y a une feature dont on n'a pas parlé et que j'attendrai vraiment au niveau du PSVR 2, mais j'ai un doute encore parce que c'est pas standardisé. Il faut savoir que Sony fait partie du, vous le savez, en fait, je suis con. OpenXR. Je dis comme ça, mais d'OpenXR, voilà, c'est ça. Et donc, il y a un standard. Et dans ce standard, du coup, on a ce qu'on appelle le rendu FOVL. Qui est le fait, en fait, de pouvoir aller traquer, en gros, l'endroit où on regarde dans le casque et de ne mettre, de n'afficher en haute résolution que cet endroit-là. Parce qu'effectivement, il faut savoir que... C'est le principe de l'eye tracking, non ? Oui, c'est ça, oui, ouais, tout à fait. Et Vario a estimé, alors je reprends leurs chiffres parce que c'est toujours très très compliqué de voilà. Mais sur la vision nette, en fait, qu'on a, elle fait à peu près 20 degrés. Je reprends vraiment leurs chiffres à eux parce que moi je voilà. Et donc effectivement déjà dans le monde de la VRPC et encore une fois je me base vraiment sur les cartes graphiques qu'on a à l'heure actuelle et même les plus puissantes, c'est très très compliqué de concevoir un casque sans déformation qui va réellement aller calculer un gros FOV sans aller chercher de la perf et sans aller justement le fameux rendu FOVL. Le problème c'est que le standard est pas sec. C'est-à-dire que PlayStation, c'est plus en 2022 qu'ils vont sortir un casque. C'est alors moi, j'ai 2023, une autre... 2024. Moi, j'aurais une réponse à apporter à ça. Ouais. Et du coup, je termine juste. Mais pour moi, c'est un vrai coup à jouer de la part de Sony. Le problème, c'est qu'en étant contributeur, on voit bien aussi leurs évolutions et on voit bien que c'est pas sec. Alors, moi, je me pose des questions. Alors, c'est soit ils contribuent un petit peu comme à la Microsoft dans les années 2000, à savoir finalement on freine le standard. Et dans ces cas-là, honnêtement, il se prendrait un shitstorm assez phénoménal. Hein. C'est la première fois, en fait, hein, c'est vraiment la première fois que sur un nouveau device, un nouveau médium, il y a autant de gros acteurs. Ils sont tous là. Ils sont tous là dans OpenXR. Et tous d'extrême bonne volonté. Si Sony s'amuse à avoir freiné tout le monde, ils vont vraiment se manger quelque chose. Ou à mon sens, j'estime qu'ils sont pas prêts. Parce que là, ça décevrait l'intégralité des GAFAM. Je pense pas qu'ils s'amuseraient à ça. Donc le truc, c'est que c'est compliqué parce que du coup, si tu te bases vraiment sur la recherche, tu sais que ça limite vachement ce qui peut être fait. Que la PS5, mine de rien, elle a beau être hyper récente et même pas encore limite dans le commerce. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. C'est ça. Elle a quand même ses limites, hein, forcément. Et qu'en termes de résolution, vraiment, quand on connaît, en fait, et en même temps le framerate, hein, c'est-à-dire qu'on est à. Enfin, on devrait être à 120. C'est-à-dire, moi, ce que j'attends vraiment d'un PSVR 2, typiquement, c'est qu'il soit enfin fluide. Par exemple. Alors, l'actuel sur PS5 est quand même très bien. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tu sens la différence, Majo ? Pardon ? Ah oui. Sur le framerate, c'est radical. Oui. Mais avec sa résolution actuelle, si tu doubles la résolution. Même sur les jeux patchés. Donc oui, sur sa résolution actuelle, mais avec des textures qui sont un peu plus élevées, je dirais, entre guillemets. Mais là où je vais répondre à ce que tu disais, pour moi, on n'a pas encore tout vu sur l'architecture de la PS5. Sur la manière dont elle doit fonctionner, la manière dont elle est pensée. Ah, bien sûr, c'est certain. Et beaucoup parlé avant. Pour nous, la PS5, elle est faite pour pallier à ce besoin de ressources en termes de puissance brute de calcul. Et je pense qu'ils vont beaucoup jouer là-dessus, dans le sens où cette partie, parce que ça se voit quand même sur No Man's Sky, même si quand t'es en l'air, alors j'ai beaucoup joué à No Man's Sky ces derniers temps, et en fait quand t'es en vol, si tu veux, tu vas pas sentir vraiment de différence sur le fait que ça pop. Par contre, dès que tu vas atterrir, ça va être instantané, c'est-à-dire que, on va dire, une grosse partie de ce que tu vois va se charger intégralement. Pardon. Mm-hmm. Et je pense qu'ils vont plus mettre l'accent là-dessus sur les futurs jeux à développer qui seront sur PS5. Alors. Et que ce problème, comme tu disais, de calcul de FOV, en fait, va être compensé par ce SSD et cette vitesse de chargement de texture, en fait. Je pense qu'ils vont énormément jouer là-dessus. Alors après, je suis pas techos, ça, c'est juste... Par contre, la courbe est exponentielle, hein, vraiment, en termes de ressources demandées, de calcul. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais c'est toujours pareil, c'est le principe d'alléger pour recharger de l'autre côté. Et il y a un autre, aspect à ça, c'est le Kraken, qui pareil est un outil de compression avec une puce de décompression, mm-hmm. Et en fait, on l'a vu sur des jeux qui permet en fait d'avoir moins de données à analyser pour un rendu entre guillemets meilleur. Donc ça aussi, c'est un truc qu'on n'a pas encore suffisamment vu à l'œuvre sur les futurs jeux PS5. Et je pense qu'ils vont vraiment accentuer là-dessus, quoi, parce que sinon, ça ne servira à rien. Il y a beaucoup de choses qui changent. On se rappelle, par exemple, de Spider-Man sur PS4 et PS4 Pro. Et donc, Insomniac, ils avaient pour coutume, quand il y avait dans la ville, par exemple, voilà, les sacs poubelles ou les lampadaires, des éléments où il y avait plus de 600 éléments identiques, ils les stockaient dans la RAM. Et donc maintenant sur la PS5, en fait, elles restent sur le disque dur et elles sont traitées quasiment instantanément. Et puis ça va encore plus loin, parce que maintenant il n'y a plus besoin d'avoir les 600 éléments, un seul élément suffit. C'est pour ça que dans la démo de Unreal, ils avaient répété je ne sais pas combien de fois la statue qui faisait 33 millions de polygones. Je voulais ajouter ça aussi, il y a aussi Unreal Engine 5 qui arrive. Et dont on ne connaît rien. Donc ça, par contre, voilà, à mon avis, Unreal, alors déjà, Twin Air en a déjà parlé de ce fameux Unreal. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir des outils très spécifiques à la VR, bien plus poussés que ce qu'on a eu. Je ne sais pas trop du côté de chez Unity ce qui se passe à ce sujet-là, mais en tout cas, Unreal semble vachement engagé là-dedans. Alors, je peux répondre. Ouais. Je peux répondre sur les deux. Oui, et la XR, hein, au sens large, est une priorité dans la roadmap d'Unreal et dans la roadmap de Unity. Voilà, ça, c'est indéniable. Ça, c'est une super nouvelle. Ouais, par contre, c'est la phase d'optimisation dont tu parlais, Majo, qui moi, me semble lointaine, en fait. C'est-à-dire s'approprier une console, tu parlais de Kraken et autres, pour vraiment se l'approprier. Les studios vont mettre beaucoup beaucoup de temps, quoi. Et je pense pas que Sony puisse se permettre de. Ouais, non. Alors moi, pareil, en tant que fan de VR, si tu veux, j'aurais tendance à me dire pas de problème. Mais vraiment, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé. Hein, c'est l'espèce de enfin, gamin de 14 ans qu'ils ont dû mettre à l'administration de Sony pour gérer le PSVR. c'est catastrophique. Ils ont fait du mal, en fait, au studio. Ouais. Vraiment, ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal au studio. Et en fait, il va falloir leur redonner confiance. Mm. Parce que ils en ont fait couler, hein, des studios. J'ai plus les noms en tête, hein, mais vraiment, c'est-à-dire que soit trop faire patienter, soit promettre mons et merveilles et du coup pas les avoir et autres. Il y a des studios qui ont cru, ont commencé à se lancer, et puis finalement, n'ont pas pu. C'est le début, il y a forcément des morts. Hein. Non, ouais. Mais je suis entièrement d'accord, mais c'est quoi, c'est CCP, c'est ça, CPC ou, CCP, Valkyrie, typiquement, et autres. Valkyrie, ils ont monté comme ça une espèce d'association, enfin une pétition de studio justement contre Sony, mais d'état d'autres. Et en fait, ils sont nombreux à avoir vraiment une dent contre Sony et Steam aussi et Oculus à l'époque. Va falloir leur redonner confiance, quoi. Et va falloir les débrider, va falloir y aller. Moi, je pense qu'il faut surtout pas que Sony s'amuse à promettre du rêve, mais par contre qu'ils tiennent les promesses. C'est pour ça justement qu'ils sont très prudents dans leur communication. Enfin, maintenant en tout cas, ils n'ont pas annoncé autant de trucs que ça. Hein. Je pense aussi. Et quand on regarde bien là, ce qui se passe là, PS5, hein. Ouais, tout à fait. Et quand on regarde bien là, ce qu'ils ont déclenché, en fait, il y a quoi? Il y a 2 semaines, c'est ça? 3 semaines? 2 semaines maintenant? Bon, même pas. Leur annonce là, sur PSVR 2. Non, c'était la semaine dernière. Oui, la semaine dernière. Ouais. Il y a une semaine. Moi, je pense qu'ils ont ouvert une brèche et qu'en même temps, en fait, qu'ils ont noté ça sur leur blog, hein, développeur, si mes souvenirs sont bons, hein, et au travers d'interviews, ils ont dû envoyer une com aussi à leur studio en leur disant: c'est bon, les mecs, lâchez les chiens. Allez-y, libérez-vous, parce que en fait, à brider les studios comme ça, un studio qui fait pas de com, c'est un studio qui meurt, même s'il développe derrière, parce que c'est en fond propre. C'est ce qu'on a remarqué, en plus. Et toujours dans ce rapport de confiance et autres, il va vraiment falloir qu'ils mettent le paquet à fond. Et je sais pas si tu peux vraiment associer le. Il faut rendre à mort la confiance par rapport aux éditeurs et aux développeurs, et en même temps promettre du rêve aux joueurs. Tout se négocie. Parce que. Non, mais bien sûr, ça se négocie, mais tu vois, des fois, rien qu'une augmentation de fauve, en fait, on se rend pas compte, mais en fait, les jeux sont. Donc, tu représentes une caméra en tant que joueur, et cette caméra a un angle. Si ton fauve dépasse l'angle du moteur du jeu pour lequel tu l'as programmé, tu vas être emmerdé, mais comme Jaja. C'est-à-dire que tu vas commencer à avoir du clipping dans tes angles, tu vas commencer à avoir des trucs. Des trucs comme ça. Des bords noirs. Des trucs improbables. Et c'est ça. Et si tu rajoutes de l'angle à ta caméra, tu augmentes le nombre de colliders qui sont. Enfin, le nombre d'interactions de calcul, en fait, hein, tout simplement, que tu dois prendre en compte. Sauf si t'as un SSD magique. Bah. En fait, oui et non, parce que là, on parle vraiment de calcul. C'est-à-dire, le SSD, c'est du stockage, en fait. Donc, la transition entre stockage et device, pour la faire courte, hein, enfin, je veux dire, tout le cheminement entre le stockage et le device, ouais, ok, il est vachement accéléré. Mais la notion de calcul et de thread, en fait, qui vont derrière et qui font le job, ben, pour elle, ça risque d'être plus compliqué, quoi. Enfin. C'est ma vision, hein, mais. Ouais, mais c'est le principe du goulet d'étranglement, là, ou le goulot d'étranglement. Ouais. C'est le principe de ça qui a été mis en avant là, sur l'archi de la PS5, où tu vas avoir plusieurs canaux différents en fait, qui vont gérer et prioriser les trucs. Mmh. Ouais, un SSD traditionnel, c'est une entrée-sortie. Là, sur la PS5, t'en as 6. T'as 3x2 en fait. Donc tu peux, c'est pour ça que derrière il y a un Kraken qui est capable de balancer théoriquement du 20 giga, je crois, seconde en décompression. Et ce qui est pas possible à arriver avec parce que finalement le SSD il dépasse pas les 5,5 hein, compressé. Voilà. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il n'y a pas que l'APU dans une PS5, c'est qu'au milieu il y a une puce supplémentaire qui est chargée de gérer, de récupérer ce qu'il y a sur le SSD par ces trois cadeaux, donc 3x2 entrée-sortie, et qui fait le boulot à la place de l'APU, ce qui est différent par rapport à une série X ou un PC, en fait. Bien souvent, on dit tout le temps que la puce de la PS5 est beaucoup plus petite que la puce de la série X, par exemple, ce qui est vrai. Par contre, on ne prend jamais en considération la deuxième puce, et quand on regarde la carte mère, elle est énorme, cette puce-là. Donc, elle fait vraiment le lien entre. C'est pour ça qu'on dit tout le temps le super SSD, parce que c'est là où ça ne fonctionne pas pareil, en fait. C'est cette puce-là qui décompresse à la volée les données, qui va les récupérer sur le SSD. Ces données, elles vont tellement rapidement qu'elles n'ont même pas le temps de se stocker plus d'une seconde dans la RAM. À la limite, tu n'aurais pas de RAM, ça serait presque pareil, quoi. C'est pour ça que. Et ce temps gagné, c'est du travail en moins pour l'APU. Et du coup, l'APU est moins puissant parce que justement, il a du travail en moins parce qu'il y a une autre puce qui travaille pour lui. Et ce travail-là n'est pas comptabilisé dans les teraflops. Il y a clairement une surpuissance méconnue et cachée. Hein. À l'heure actuelle c'est pour ça que je te dis, on ne sait pas tout. C'est là-dessus où je veux rebondir. C'est que moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est quand Marc Cerny a présenté la PS5, je trouve qu'il a pas mal insisté sur les temps de développement, justement. Il avait montré pour la PS4, c'était 5 mois. Pour la PS3, c'était 3 ans. pour la PS5, c'était 1 mois. Par contre, ce qu'il n'a pas précisé, c'est quels outils étaient livrés avec l'équipe de développement PS5 et en quoi certains de ces outils étaient automatisés, comment était gérée la RAM, comment était géré le SSD. Et ça, petit à petit, on va le savoir. Pour l'instant, on ne le sait pas vraiment. Et les développeurs vont commencer à se dire « putain, ouais, c'est pas mal », ou alors ils vont dire au contraire « c'est une chienlit, pas possible ». Et ça, on n'a peut-être pas assez de recul pour voir ce qui va se passer. Mais à mon avis, il va y avoir quelque chose entre Unreal, la PS5, et des outils spécifiques et une gestion pratiquement automatisée de tout ce SSD, cette puce additionnelle. Et puis il y a encore la puce audio qui est en plus et qui utilise en plus le ray tracing pour... en fait, quand on regarde la carte mère de la PS5, on s'aperçoit que c'est vraiment un truc qui est tellement customisé que même si on voulait créer aujourd'hui un PC qui correspond à une PS5, on ne pourrait pas le faire. Par contre, je rebondis juste sur le ray tracing. 30 petites secondes. Vas-y. Je trouve ça génial qu'enfin on arrête de parler de ray tracing juste pour des flaques d'eau. Le ray tracing, en fait, c'est une technologie qui est géniale, y compris pour le son, pour de la détection d'éléments, pour de la collision, pour mais tu vois, énormément ça, c'est, beaucoup c'est plus mal de expliqué. Choses que simplement des lumières. Quoi. Et, c'est mal expliqué. Et ça, c'est ça. Vrai que ah, mais c'est peut-être ça m'a toujours énervé. C'est peut-être le seul truc qu'on peut aujourd'hui se permettre dans le jeu vidéo en ray tracing, en fait. Ah non, pas du tout. Hein. Non, c'est... Par contre, le je suis d'accord avec toi, hein, c'est vachement facilité à partir du moment où tu as des puces dédiées. Hein. Alors là, pour le coup, ce qu'ils ont fait sur la PS5, hein, c'est génial. Mais enfin, ça ouvre les yeux au grand public aussi sur le fait que le ray tracing, bah, c'est pas juste des flaques d'eau. Quoi. Ah non. Il faudrait que ce soit plus le son va être très important sur cette génération-là. Ouais, et il est en VR, extrêmement important en VR. Moi, pour revenir à l'architecture de la PS5, moi, je m'imagine toujours un PSXR, pardon, donc comme évoqué en autonome, mais avec une technologie miniaturisée de ce qu'il y a dans la PS5. Avec ce principe-là de puce dédiée, de Kraken et compagnie. Pas aussi performant, mais miniaturisé. Toujours avec cette architecture de compression en amont, d'allègement de travail pardon pour l'APU je vais y arriver et je pense que ça serait vraiment la meilleure option pour de la VR autonome aujourd'hui puisque on a prouvé Sony en théorie a prouvé que PlayStation pardon que c'était possible en fait d'une manière détournée d'alléger les tâches de calcul et on sait que plus c'est petit, plus c'est compliqué justement de mettre de la grosse puissance en fait. Et est-ce que ce serait pas la future architecture d'un casque VR autonome en fait ? Alors moi je dirais qu'il y a trois possibilités. Et sur ces trois possibilités, j'arrive pas à me... Alors il y a la possibilité du joueur qui d'après ce que je disais tout à l'heure, ça fait depuis 2014 que chez Sony ils disent qu'il faut qu'il n'y ait pas de fil et compagnie. Et donc ce serait le casque autonome standalone, le Quest, un Quest Sony, un Quest PlayStation, que tu branches avec ce fameux Oculus Link, donc ce cordon USB-C que tu branches sur ta PS5, tu as les jeux PS5 VR et tu as les jeux PSVR en standalone. Donc ça c'est la première. La deuxième, ce serait un casque qui n'a pas de système embarqué, donc qui ne sera pas autonome, que tu relies à la PS5, mais par contre qui sera moins coûteux, ce qui permettrait de développer plus de choses dans le casque au niveau de l'écran. Et comme on dit, ça peut être un défaut d'avoir un trop bon écran. Par contre, il pourrait aussi là-dessus développer par contre tout ce qui est le light tracking, qui est quand même coûteux parce que ça demande des caméras, ça demande un système qui va s'occuper de ça, mais qui par contre pourrait optimiser les affichages et la puissance demandée par la PS5. Donc on pourrait faire des économies et puis de toute façon quand on sait que comme disait tout à l'heure Zazel, sur les 20 degrés qui sont face à vous, vous pouvez lire. Sur les 40 degrés, vous pouvez déterminer des formes. Sur les 60 degrés, vous allez voir des couleurs. Après, au-delà, vous avez 120 degrés, c'est votre vision stéréoscopique. Et encore au-delà, 220 degrés, c'est une vision binoculaire droite et gauche où vous ne voyez absolument rien, c'est tout flou. Donc, quand tu sais qu'une image sur un écran 4K, donc je parle carrément le double du PSVR, 4000 pixels par 2000 pixels en résolution totale, soit deux écrans, soit un seul, bah, ça demande de la ressource parce que le matos derrière, il va fumer. Hein, la PS5, elle va être à fond parce que là, on est sur de la VR, on n'est pas sur du petit jeu PS5. Oui, tout à fait. Dans des résolutions. Et c'est là que l'eye tracking apporterait beaucoup, c'est qu'au final, il pourrait n'avoir qu'à calculer que la partie centrale qui finalement. Nous sert plutôt que de balancer des images calculées à donf en 4K. Donc ça, c'est la deuxième possibilité, c'est on oublie le standalone en se disant que de toute façon ils n'ont pas envie de se friter avec Facebook parce que c'est quand même un GAFAM qui a l'air insolide, et puis surtout quand on voit à la vitesse où ils sortent des mises à jour, ils seront largués en moins de deux. Et je pense que Sony, ils vont plus partir sur un appareil qui soit pour le joueur console, je parle de PlayStation, qui vont se partir pour un appareil qui soit pour le joueur console, et s'ils doivent se friter face à Facebook, c'est peut-être Sony qui va y aller, parce que là, il y a d'autres intérêts, il y a Sony Music et Sony Pictures ouais. derrière qui pourraient être intéressés par ce genre de produit. Mais dans ces cas-là, elle ne sera jamais compatible avec la PS5. Ah bah si. S'ils sortent deux casques, un qui est solo compatible avec la console et un autre qui est autonome, plus compatible avec la console, mais sur deux entités différentes, ils vont se tirer une balle dans le pied. Ils peuvent pas faire ça. Pas forcé, parce que je sais pas si vous vous rappelez de cette fameuse courbe du hype du laboratoire Gardner là, où justement il disait que au niveau de cette courbe, quand on arrivait dans le creux, donc quand on était au plus bas de la courbe où c'est tout le marché s'était cassé la gueule, on arrivait à un marché de 5% d'utilisateurs, ce qui correspond finalement 5% aux 5,6 millions de PSVR. Donc là, on était dans le creux. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu arrives à la phase 4 et la phase 5, ils disent que c'est à partir de ces phases-là que, en fait, les constructeurs développent des gammes. Ils ne développent plus qu'un seul produit, mais des gammes de produits. Et c'est ce qui est en train d'arriver sur le Quest 2, c'est que quand on voit qu'il y a la sangle Elite, il y a la sangle Elite avec batterie, tu as le choix de ta mémoire dedans, et je ne serais pas étonné que le Quest 3, que le Quest 3 par exemple, il y a trois casques Quest 3, où il puisse y avoir deux casques PSVR, un PlayStation et un plus professionnel. Alors mettons un PlayStation à 299 ou 399€, et puis un casque Sony qui par contre serait à 600 ou 700 balles, qui ne serait pas du tout adapté au marché console, mais par contre quelqu'un qui aurait les moyens et qui a une PS5 qui pourrait aussi passer par là et se retrouver avec chaque constructeur qui propose des gammes de produits, au moins deux casques différents, un haut de gamme et un moyen de gamme. C'est possible aussi. Et ça serait la troisième possibilité, justement. Je parlais tout à l'heure, la première, la deuxième. La troisième, ce serait qu'ils partent PlayStation plus centré sur la PlayStation. Vraiment, avec l'objectif étant d'avoir un casque pas trop cher, qu'ils arrivent à rentrer dans tous les foyers. Le mec, il a déjà claqué 500 balles dans sa PS5, 80 balles les jeux, et là, on lui propose un petit casque à 299 ou 349 maxi, mais qui envoie déjà du pâté avec la PS5. Et de toute façon, il pourra jouer au jeu PSVR, dans tous les cas, parce que je ne sais pas si vous avez vu tous les brevets qu'on a vu passer sur les contrôleurs, on va les appeler PS Move 2, les nouveaux contrôleurs de Sony. À chaque fois, il y avait les quatre boutons, les quatre boutons de Sony, donc triangle, croix, carré, rond, et ils y sont. Et sauf qu'au milieu, tu as ton stick. Donc tu peux très bien jouer à un jeu PSVR vu que tu maintiens tes quatre boutons, et puis le stick, tu t'en serviras que sur la PS5. Donc tu n'auras rien à changer, en fait. Mais moi, je pense que sur ces trois, je ne sais pas où ils vont partir. Parce qu'il y a toujours aussi Sony Pictures et Sony Music qui poussent derrière, qui veulent faire du concert 3D, qui veulent faire des tas de choses. Et puis, il y a aussi tout le monde professionnel qui, entre choisir un casque haut de gamme Sony et puis choisir un petit casque de jeu vidéo, je pense que le monde professionnel, il n'aura pas de mal à claquer 800 balles pour se prendre un casque un peu plus cher et un peu plus... Donc, pourquoi pas des gammes, c'est possible. Ok. Bon, en tout cas, on verra pour l'avenir. Alors, donc du coup, effectivement, après l'annonce de ce PSVR 2, quand on pouvait le pressentir, il y a eu une salve d'annonces de jeux sur le premier PSVR, ce qui justement nous conforte un petit peu dans le fait que les développeurs attendaient peut-être d'avoir une annonce officielle de la part de Sony pour pouvoir lâcher un petit peu la bride sur toutes les annonces. Et donc du coup, ça a commencé. Donc hier, on était le 3, donc c'était avant-hier pour vous quand vous nous écoutez. Donc c'était le 3 mars. Il y a eu comme ça une salve de la part de Sony, de la part de PlayStation surtout. Surprise sur plusieurs jeux annoncés, certains qu'on connaissait déjà et surtout la majorité qu'on a complètement découvert, dont une surprise notamment qui fera plaisir à notre bon Majo. C'est Majo, je te laisse le dire, tu le dis tellement bien. Il s'agit de Doom. Je vais m'étouffer. Je le fais pas trop fort parce que ça a saturé tout à l'heure. Doom 3. Annoncé sur PSVR pour ouais. Très bientôt hein, puisque c'est le 29 mars, voilà, donc c'est à la fin de ce mois-ci. Il avait été aperçu, il y avait eu des fans là, qui avaient fait un portage sur PC ou sur Quest, je ne me rappelle plus exactement. Sur PC. Hein. Sur les deux. J'ai essayé d'ailleurs la version, enfin j'ai la version PC. C'était un patch qui faisait à peu près 250 mégas sur le jeu, donc c'était l'édition BFG du jeu. Et ça marche très bien en fait, à part le feeling des armes qui, voilà, le recul des armes qui n'est pas très très bien foutu, mais bon, ça reste quelque chose d'assez amateur. Du reste, ça marche bien, le jeu a vieilli, c'est les textures d'origine, un petit peu upscalé vite fait pour cette nouvelle version là, mais ça marche bien pour quelque chose d'amateur. Il est flippant celui-là, le 3. C'est le plus flippant. Ouais, alors flippant c'est pas de tout c'est pas le même Doom, voilà. C'est pas le même. Alors, vous savez sur quoi j'ai joué ça? du briscard sur Switch. Mon premier Mac, je jouais à Doom 3. Alors Doom 3 est sorti en 2004, si je dis pas de bêtises. C'était peut-être pas mon premier, c'était mon deuxième. Sur PC. Doom 2 par contre, c'est 94 je crois, 97. Ah, Doom et Doom 2, c'est très vieux. C'est peut-être celui-là sur le premier Mac. Mais il était sombre celui-là. Mais Doom 3, ouais, c'est un des Doom qui est le plus axé horreur en fait, survival horror. Donc il dénote un peu avec les autres, et notamment avec le dernier, donc Doom Eternal, pour lequel je voue une passion assez impressionnante, hein, n'est-ce pas? Pour ceux qui nous écoutent, voilà, je bassine le groupe en permanence avec des gifs Doom. On a beau lui dire, on s'en fout, c'est plat, mais il veut pas comprendre. De démembrement, non, c'est signe de joie en général. Ouais, c'est soit quand je suis content, soit quand je suis très énervé. Ouais, c'est ça. Et donc du coup non, j'ai je vais crier comme une fillette hein, moi qui aime pas les jeux d'horreur, moi je pense que je vais être obligé de le faire. Doom 3, vous l'avez fait? Vous y avez joué ou pas? Oui, Doom 3 je l'ai fait. Non, Doom Eternal c'est le premier pour moi, donc pour ça j'ai adoré l'univers de Doom, donc j'en connais un peu plus sur l'histoire, donc ça va être intéressant. Là ça se passe du coup sur Mars. Et ouais. On en apprend un peu donc dans Eternal sur l'histoire de Doom Guy et de Mars. Et très très très hypé. Alors en plus c'est pas juste une édition, c'est comme d'hab, il y a tout le package, donc t'as Doom 3, la version de base, plus les deux extensions, The Lost Mission et Resurrection of Evil. Il a été aussi remanié avec de nouvelles textures, forcément adaptées à la VR pour le gameplay, donc ce qui dénote avec la version amatrice dont on parlait juste avant. Et donc c'est très bien, franchement. Nous manque que le prix, voilà, une grosse licence adaptée. Je dirais pas créée pour la VR, du coup, adaptée pour la VR. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que Doom VFR était aussi très bien dans son style. Il sera, si je dis pas de bêtises, compatible avec l'IM Controller. Ça, c'est bien. Et ça, voilà, c'est aussi une bonne nouvelle. Pour pallier à l'absence de joystick, et puis Doom en général, on n'a pas trop besoin d'interagir avec des menus et des sous-menus. Un peu plus dans celui-là. Hormis, j'allais dire peut-être pour le changer d'arme, mais. Non. En fait, t'as des interactions avec des panneaux de contrôle beaucoup plus, par exemple, que dans les deux derniers Doom. D'accord. Dans celui-là. Le Doom 3, pour moi, c'est un de mes préférés, justement. Je l'avais découvert à sa sortie à l'époque sur PC. Pour dire ça. Non, je l'ai pas fait parce que déjà l'avant-dernier Doom, je l'ai commencé, j'ai fait la moitié, ça m'a un peu saoulé. Mais celui-là, en fait, c'est vraiment une question d'ambiance. C'est vraiment voilà, focalisé sur l'horreur, sur le jumpscare, sur prendre par surprise le joueur, en gardant en plus la magie, vraiment le côté l'héritage de Doom. C'est-à-dire en fait, tu découvres beaucoup de passages secrets, t'as plein de trucs planqués, l'architecture des niveaux, ça a ni queue ni tête. Ça a aucune cohérence, mais ça fonctionne quand même parce que t'es vraiment dedans. Et puis surtout, c'est à l'époque, c'était le jeu d'ombre et de lumière en fait qui était vachement mis en avant. Ouais. Et quand c'est sombre, tu vois rien, mais vraiment absolument rien. Et t'as une petite lampe torche. Et t'entends les trucs qui te gueulent dessus. Tu sais, la petite lampe torche, parce que tu te souviens, Laurent, c'est qui fait clic, clic, clic, clic, clic, et qui commence à vaciller dans les, au pire moment. Il faut la secouer, non? Comment, je me rappelle plus. Oui, il fallait la secouer, non? Il fallait faire un truc pour. Non, il fallait même pas la secouer. C'était vraiment dans le script, en fait. Alors peut-être qu'ils vont rajouter une couche de gameplay sur cette version de Doom. Mais non, c'était vraiment scripté, et dès que ça commençait à clignoter, tu pouvais te dire putain, c'est bon, ça va partir en couille. Et là, moi, j'ai retrouvé cette ambiance de merde, alors je sais pas vous, dans The Persistence. Un petit peu. Ah, peut-être oui, moins glauque. Peut-être moins glauque, parce que là, il y a du sang de partout. Non, là, c'est vraiment dégueu, ouais. Doom 3. Hein. Vraiment. Mais voilà. Donc, j'ai vraiment hâte aussi de le redécouvrir, même si je l'ai déjà, enfin, si j'ai une version, on va dire, amatrice sur PC, je suis bien. Il me titille bien celui-là. Ouais, et du coup, donc, juste pour finir sur Doom, on voit quand même que l'engouement est là parce que la vidéo du trailer, alors j'ai pas été revoir depuis hier, mais je crois qu'au bout de deux ou trois heures, elle était déjà à 45 000 vues. Donc, Oui, de toute façon, oui, c'est Doom. Voilà, on est sur quelque chose qui intéresse. Ouais. Il y a un truc qu'il faut ramener, qu'on avait parlé on avait fait un article sur Apple qui arrivait sur en VR, et dans cet article j'avais laissé un petit paragraphe pour montrer que ça pouvait bouger aussi du côté de Microsoft, et donc le 21 janvier 2021 il y avait une fiche d'homologation pour l'équivalent du PEGI qui avait été publié par le gouvernement australien, et dans la fiche d'homologation justement ils annonçaient un jeu PC en réalité virtuelle déposé par ZeniMax Australie et édité par Bethesda Softwork, et le jeu était développé par ID Software, donc son nom de code c'était Project 2021A. Et son année de production c'était 2021, un jeu classé R+18, et donc on était parti en disant que c'était soit un Doom, soit un Quake, soit un Wolfenstein, soit un Rage. Alors est-ce qu'il s'agit de ce Doom 3 qui, cette annonce-là, c'est pas sûr. Si ça se trouve, Doom 3, c'est juste une mise en bouche, et c'est possible qu'on voit arriver, comme tout à l'heure, tu disais Doom Eternal, pourquoi pas. J'y crois pas. J'y crois pas non plus. Ou alors, il parlait de celui-là, tout simplement, et ce truc qui a, il faudrait vérifier par rapport au gouvernement australien si on parlait bien de Doom 3. Je sais pas. En tout cas, ce que ça dit par contre, c'est que c'est des jeux, s'ils sortent maintenant, qui ont été développés peut-être avant le rachat par Microsoft. Et la grosse question, c'est savoir si Bethesda va continuer à développer en VR, soit pour Microsoft, hein, parce que et justement de savoir si Microsoft vont arriver en VR. Donc, c'est quand même intéressant de s'intéresser justement aux faits et gestes de Bethesda en ce moment, quoi. Ça bouge. Ensuite, il y a eu une annonce, donc c'était coup sur coup, hein, c'était toutes les heures. On avait une nouvelle annonce. 30 minutes. Toutes les 30 minutes. Toutes les 30 minutes, c'est encore mieux. Moi, je pensais que ça parlait d'un groupe de reggae ou un truc comme ça. C'est Song in the Smoke. C'est quoi ce truc de Rasta, là? Alors ça, bah moi, j'ai bien aimé. C'est un jeu de survie, tout simplement. En gros, c'est un Minecraft un peu plus joli. On te lâche sur une île et tu te démerdes. Tu dois te débrouiller pour manger, tu dois te débrouiller pour chasser. Par contre, tu as pas mal. Quand tu dis un Minecraft sur une île, c'est pas un Minecraft cubique, hein, c'est plutôt un jeu de survie, on va dire. Ah non, un jeu de survie, voilà. Oui, un jeu de survie. C'est un No Man versus Minecraft, Wild, moi je l'appelle comme ça. Voilà, dans le principe, dans le principe du vrai jeu de survie en VR, un monde ouvert. Il faut que tu t'alimentes, il faut que tu dormes, il faut que tu boives, il faut que tu peux mourir de froid, donc la nuit il faut que tu fasses un feu. Si tu fais un feu, il faut peut-être en allumer un second pour attirer les prédateurs, et toi tu dors entre les deux feux, parce que si tu dors trop à côté du feu, tu vas te faire attaquer aussi. Il va falloir couper du bois, faire des armes, améliorer tes armes, faire attention parce que tu es limité en ressources. Donc si tu choisis par exemple ton arc est un peu bancal, tu dis je vais me faire un nouvel arc, ça peut te coûter la vie aussi, parce que derrière il va t'arriver quelque chose et tu aurais eu besoin de ce bout de bois pour te faire, je sais pas moi, une canne ou un truc, parce que tu as la jambe qui est en vrac. Tu peux être chassé et devenir chasseur également en fonction de ton niveau d'avancement. Le visuel du jeu, je dirais qu'il inspire pas forcément. C'est des dessins d'ailleurs d'un grand illustrateur. J'ai perdu le nom. Mais c'est très spécial. C'est très stylisé en tout cas. Ça, on peut pas lui enlever. C'est très stylisé. Disons que c'est typiquement le style de jeu qui, il y a quelques temps, moi, ça m'aurait hypé complètement. Ça me hype encore. Moi, En règle générale, les 6 jeux annoncés, j'ai rien trouvé de merdique, en fait. J'ai trouvé qu'ils étaient tous plus ou moins bien. Alors après, on aime ou on n'aime pas, mais c'est, à mon avis, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Le seul truc qui me bloque un petit peu sur ce jeu-là, c'est vraiment simplement le type de jeu. Les jeux de survie, t'en as énormément. Maintenant, ça pullule sur PC, VR, on en a sur pas PC beaucoup. Notamment. Ouais, mais en VR, toi, sur PC, t'as c'est quoi, c'est The Forest, qui est sympa, mais qui est c'est un jeu de survie, quoi. Je veux dire, t'as vraiment t'as un petit fil conducteur. C'est un petit jeu de survie horreur un peu. Enfin, ça mixe un peu les deux. Oui, complètement, et qui est vraiment efficace, mais faut aimer le style. En plus, je crois. Ouais, mais dans le catalogue PSVR, des jeux de survie, il n'y en a pas des masses, en fait. Oh, non, c'est pour ça, c'est une bonne chose. Et puis, il y a des gens qui aiment ça. Moi, c'est juste que j'aime pas, c'est pas mon style. Donc, je suis pas trop... Ouais. À voir, mais pourquoi pas. Moi, je trouve qu'au niveau de l'affiche, elle claque pas assez, l'affiche. Ouais. Ça donne pas envie. Et quand tu vois le trailer, si vous vous posez des questions sur ce jeu-là, allez faire un tour sur le trailer. Plutôt que de regarder juste l'image... Le trailer que vous pouvez retrouver sur VR4Player, bien sûr. Sur le site. Voilà. Voilà. Ensuite, nous avons Fract. Fract. Fract. Fract. Alors voilà. C'est qu'on parle de Fract. Tu te le sens, Majo? Non, faut que je dise la news d'abord. Sans préparation. Bon, bah, de toute façon, ça va aller vite. Allez, c'est Laurent qui a tout fait, alors c'est facile. Fract, c'est un shooter. Certainement multijoueur, je pense. Ça a l'air vachement multi, ouais. Ah non, c'est un contre un au un pistolet, donc PS Move. Ça reste multi. Et qui par contre a la particularité, en gros, vous êtes en haut d'une, vous êtes tranquillement en vacances dans votre petit chalet en haut d'une montagne, et puis ça part en couille à la Blood and Truth, et là il y a tout un tas de brigands, ou c'est même des extraterrestres à ce niveau-là, je sais même pas si c'est pas des monstres, une armée de qui veulent vous attaquer, et toi il va falloir que tu arrives en bas de la montagne vivant, donc tu descends tout à ski ou en escalade, et en même temps, bah, tu as deux armes et tu dégommes. Donc c'est un shooter un peu vitaminé, graphiquement plutôt sympa, qui peut rappeler un peu des graphiquement un petit peu, moi je dirais, c'est un peu celle shadée sur les bords. Borderlands. Borderlands, voilà, Borderlands, exactement. Ouais. Très coloré, très très Borderlands. C'est un truc. Et bon, à mon avis, ça va être très vitaminé. Ouais. Ça peut faire partie des jeux justement que tu joues. Tu joues un quart d'heure, une demi-heure, tu vois, et puis après pour te défouler et puis reprendre deux jours plus tard. À mon avis, c'est pas un truc avec un gros scénar ni quoi que ce soit. Non, je pense pas. Un bon gros défouloir, quoi, décérébré, comme on aime de temps en temps. Les développeurs, c'est N-Dreams, quand même. Ils nous avaient fait Shooty Fruity, Bloody Zombie. En général, c'est pas forcément des gros jeux, les deux, mais ils étaient bien foutus, les deux. Voilà. À voir, et puis pareil, ça me hype aussi, parce qu'il a l'air, joli, quoi. Et N-Dreams, c'est aussi Phantom Cover-Ups, un très très très bon jeu. Non, ça ne dit rien, Phantom Cover-Ups. Il n'est pas sur PSVR. Mais si, c'est le... Ah. Ouais, en canoë-kayak. Ouais. C'est un jeu d'infiltration en canoë-kayak. D'accord, ouais. Oui. Et ouais, très très bon jeu. Alors par contre, bon, moi j'ai toujours un problème avec les jeux d'infiltration et l'IA pété. Mais bon, ça c'est un autre débat. Parce que bon, clairement, les IA sont pas top. Mais l'infiltration et l'aspect canoë-kayak et tout ça, ils l'ont vraiment polish à mort. C'est vraiment un studio que j'attends. Et si on parle justement de ces fameux exclus PSVR que j'attends. Qui font un petit quelque chose dans le ventre, hein, vous savez, ça fait chier. D'avoir vu le côté exclu PSVR. Bon, même si j'ai le matos, c'est que je me le prendrai forcément sur PSVR, mais ça fait chier quand même que ça soit pas sur PC, quoi. Mais il est pas prévu justement sur PC, celui-là ? Non, c'est exclu. Pour l'instant, dans le trailer, c'est exclusif PSVR. Non, mais tu sais très bien de toute façon que exclu PSVR, ça veut dire exclu quoi, 6 mois, 1 an gros max, et puis après. Comme Resident Evil 7, tu veux dire ? Ouais, c'est ce que je voulais dire, Resident Evil 7, on l'a au travers de la gorge quand même. C'est particulier. Ouais. Non, donc. On l'a attendu longtemps, l'exclu temporaire, là, pour le coup. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il y ait personne qui. Tu sais, un modeur, comme il y en a beaucoup sur PC, qui ait trouvé le moyen justement de le mettre en VR via un petit mode. C'est un petit peu dommage, quoi. Tu sais si ça existe ou pas ? Bah en fait c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué de faire un bridge PSVR into PC. Sur le PC, tous les casques PC et autres, on fait littéralement ce qu'on veut, en fait, c'est aussi ça le gros avantage. Oculus peut bien sortir une exclue, honnêtement, le lendemain, elle est sortie elle est modable, en fait, sur Steam sans problème. PSVR, c'est quasiment impossible, en fait, il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents dessus. Maintenant, si Sony sort un PSVR 2 compatible et avec les standards OpenXR, là, pour le coup, ça changera intégralement la donne. Mais tu vois, je ne pensais pas forcément d'un passage PSVR vers le PC, mais plutôt le jeu Resident Evil 7 est sorti sur PC. C'est exactement le même moteur que sur PS4. Je veux dire, quand tu vois, par exemple, sur des jeux comme Doom 3, dont on vient de parler, ce qu'ils sont capables de faire avec un mode qui fait 250 mégas, et beaucoup de talent, est-ce qu'il n'y a pas des gens, des groupes de modeurs qui se seraient penchés justement sur la conversion en VR du moteur Resident Engine, enfin RE Engine? Ouais, alors à ma connaissance, c'est quand même assez compliqué et on connaît, alors j'ai plus les noms en tête, là, désolé, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents dessus. Mais c'est vrai que Bethesda a cet avantage-là avec son moteur de pouvoir le porter assez facilement, tout en faisant payer full price. Ouais. Hein, c'est sympa aussi. La pilule, on l'a vu passer. Ouais. Non, parce que du coup, juste comme ça, pour la petite anecdote, Skyrim, je l'ai jamais acheté en VR, en fait. C'est un mode, tu fais copier-coller dans ton jeu, tu modifies un tout petit peu le point exe, alors faut bidouiller, on est d'accord, hein. Mais c'est vraiment ni plus ni moins qu'un dossier rajouté dans le jeu, à rajouter dans le jeu, quoi. C'est à partir du moment où on a la Deluxe Edition ou la version dernière. Bah, faudra qu'on discute alors après le podcast, hein, parce que je suis quand même plutôt intéressé du coup. Ah bah ça marche, mais moi je peux te partager sans problème le dossier incriminé et incriminant et paf, par magie, tu as ne le faites dossier, pas tu, ça chez vous les enfants, attention, hein, c'est illégal, c'est pas bien. Enfin, est-ce qu'on peut pas se dire aussi que c'est illégal de revendre plein pot un jeu juste avec une petite modification. À payer Skyrim 5 fois, ouais, si on compte la version Switch, oui, quand même, oui, c'est un peu. La version frigo, quoi, ça commence à faire chier, quoi. Bah, moi, je l'ai acheté. Voilà. Je l'ai sur PSVR aussi. Hein. Bah, moi aussi. Et je l'ai fini sur PC. Et ils sont en train de nous traiter de cons, en plus. Ah non, mais. Non, pas du tout. Moi, je le suis aussi, hein, je l'ai en 3 versions différentes, hein, donc voilà, bon pigeon. Mais j'aime bien Skyrim. Je vais bien faire voir sur Fallout, sans problème. Voilà. Ensuite, donc voilà, ça c'était Fracked. Ensuite, Fracked, il y avait la suite d'un jeu qui était normalement, je crois, un jeu de. Ah merde, un jeu de société. I expect you to die. Ouais, un jeu de société qui est devenu un jeu VR et qui est bien cartonné, l'un comme l'autre. Et donc, du coup, il y a la suite de Shell Game, qui est Shell Games, qui a été annoncée. Voilà. Que pareil, ils ont annoncé le jeu il y a 3 semaines, un mois peut-être, et puis sans annoncer sur quel support ce serait. On sait déjà qu'il est prévu sur Quest, ça je crois l'avoir vu, il me semble. Et pas sur Oculus, sur Quest. Sur Quest, ouais, il me semble. Alors je sais pas, parce que là dans la dernière annonce, ils ont bien parlé du PlayStation VR, mais ils ont pu reparler du Quest. Donc faudrait peut-être que je vérifie avant de dire des bêtises. Mais déjà le 1 était très bien. Donc là c'est un nouvel opus. Alors pour l'instant on n'a pas vu grand chose à part le trailer, donc c'est toujours difficile d'en parler. En tout cas moi c'est le premier, je l'avais trouvé super. Le 2 je sais que je vais le trouver génial aussi. D'ailleurs je vais en profiter parce que ça fait un petit moment que le 1 est sorti, donc je vais me rafraîchir la mémoire, je vais me refaire le 1avant de repartir là-dessus. Qui est en promo en ce moment d'ailleurs, jusqu'au 10 mars. Moi, comme je disais tout à l'heure, sur les 6 propositions qu'il y a eu hier, je trouve qu'il n'y a rien acheté. C'est tous des jeux différents, mais tous des jeux plutôt de qualité. Celui-là, je l'attendais. J'étais un peu dépité il y a 2 semaines, parce que quand je l'ai vu arriver, je commençais, parce qu'on est habitué sur PlayStation maintenant, de voir arriver les jeux sur Quest ou sur PC, de jamais les voir arriver sur... Donc, du coup, j'y croyais pas en fait. Et quand je l'ai vu arriver, bah, j'étais tout content. J'ai dit, putain, super cool. Ils l'ont prévu. Une bonne nouvelle. Si vous connaissez pas le 1, faites-le. C'est un super jeu, quoi. C'est scénarisé, le premier. Un studio de talent. Oui. Et puis t'as des micro-scénarios, en fait. C'est complètement délirant. En fait. Mission, du coup. Oui, c'est une parodie. Ah, humour anglais, parodie de James Bond, hein, très clairement à 100%. Non, le seul gros défaut, en fait, et que j'espère que, du coup, ils vont faire évoluer le 2, en fait, en ce sens, c'est que I Expect You to Die n'est absolument pas rejouable, en fait. Ouais, une fois que tu l'as fait une fois, t'as pas de solution. Exactement. T'as juste une solution pour chaque énigme, t'en as pas plusieurs, quoi. Ah, t'as bien 2-3 trucs, 2-3 easter eggs, 2-3... Ouais, allez. Mais le level design, en fait, en vrai, est pensé pour le kiffer une première fois et s'arrêter là. Et ça, j'espère vraiment que sur le 2, moi, c'est vraiment là où je les attends au tournant, c'est qu'ils aient corrigé ça sur le 2. Ouais. D'accord. Ouais, qu'ils proposent au moins une replay value un peu plus importante pour ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais par contre, ouais, alors là, je vous rejoins complètement. Si vous ne l'avez pas fait et que vous êtes peu importe de quel type vous êtes amateur, enfin de quel genre de jeu vous êtes amateur, honnêtement, faites-le. C'est vraiment un super jeu. Donc il est ETR proved. Ah, complètement. Complètement. Et rien que pour son générique, ça vaut le coup. Ah ouais, ouais. Justement, la musique à James Bond qui est bien sympa, avec une meuf qui chante. Ouais, c'est vrai que. Même le thème est bien. En tout cas, il met bien dans le ton. Ensuite, et un studio de talent, je le redis. Et ensuite, nous avons eu une demi-heure plus tard. Boum, encore une bastos. Zenith. Du studio Raven VR. Tout petit studio Raven, c'est un rapport avec Myst, peut-être. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. En tout cas, c'est des développeurs qui sont fans de MMO. Ils l'ont déjà dit à plusieurs reprises. Ils ne sont pas très nombreux. C'est un tout petit studio. Au départ, je crois que c'est un couple même. Ils sont agrandis hein, parce qu'on suit un petit peu Zenith depuis le mois de juin 2019. Pourquoi ? Parce que c'est depuis cette date-là qu'il a été annoncé sur PlayStation VR. On avait un peu insisté, est-ce que vous êtes sûr qu'il va arriver sur PlayStation VR ? Et puis à chaque fois il disait oui. Donc en fait quand on voit les premières versions de 2019 et qu'on voit ce que c'est devenu maintenant, c'est plutôt intéressant. C'est censé être un jeu immense, un MMO. On n'en sait pas grand-chose, mais apparemment on s'est annoncé comme un truc de gigantesque. Je ne sais pas côté PC si toi Zazel, tu as plus d'informations sur ce jeu-là. Alors... On a là où le studio en fait cherche à faire débarquer le jeu, c'est sur son système de combat. Et ça c'est plutôt cool parce que dans un MMO des combats on en mange un petit peu quand même. Et du coup c'est vrai qu'ils avaient trigger un petit peu tout le monde en disant on a des systèmes de combat calqués sur Beat Saber. Quoi ? et donc on a tous cherché à savoir un petit peu plus ce qu'il en était et compagnie. On a 2-3 infos, y compris les infos d'ailleurs qu'on n'a pas le droit de communiquer. Mais en tout cas, voilà, ils vont se baser sur un système. Parce que vous savez, le combat en mêlée en VR est très peu immersif au final. Parce qu'on n'a rien dans la main, on n'a pas de retour haptique vraiment facile en fait, qu'on peut faire sur les combats en mêlée. Qui a réussi à émuler un petit peu le poids des armes, mais à part ça, c'est vrai que. Des armes du coup très très petites. Oui, effectivement, avec le système de double coup, quoi. C'est on shoot une première fois pour transpercer l'os et une deuxième fois pour aller au cerveau. Effectivement, mais voilà. Donc du coup, je les attends un petit peu au tournant. En même temps, je suis très très très sceptique quand même par rapport à ce qu'ils proposent. Je pense que je l'ai débunké d'ailleurs hier en stream. Faut prendre vraiment, à mon sens, du recul par rapport au trailer qui a été fait. Moi, je reproche en fait souvent aux studios VR d'être trop indé, y compris dans leurs trailers. C'est-à-dire qu'ils font des trailers qui sont absolument pas vendeurs. Oui. Je pense que ce studio-là, honnêtement, a mis les moyens dans son trailer, voire même un peu trop. Faut faire gaffe quand même à tout ce qui va être profondeur de champ dans un MMORPG. C'est ce que j'allais dire. Bah, après, les graphismes ont l'air très simplistes. Hein. Enfin, c'est très lisse. Il y a pas énormément de. C'est que des structures carrées. Il y a pas énormément de. Ça fourmille pas de monde ou de ce genre de choses. Par contre, il y a une profondeur de champ. C'est la taille. Après, la taille en MMORPG. Ouais, puis en MMORPG, du coup, ça fourmillera de monde. Quid de ta map en fait à un MMORPG où t'aurais pas 30 personnes qui vont galoper autour de toi, tu vas trouver ça bizarre. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que le jeu lui-même est pensé pour ça. Encore une fois, c'est joli, c'est coloré, il y a une profondeur de champ, mais après c'est pas non plus du photoréalisme, tu vois. Overwatchien d'ailleurs. Oui, c'est très simpliste. Voilà, je sais pas si c'est dans le design. Donc c'est pour ça, je pense que ça peut être prévu derrière. Bon, après, laissons-leur leur chance, mais moi, j'ai trouvé ça plutôt impressionnant en termes de profondeur de champ, où effectivement, je me suis fait la remarque. Donc, ça... Et c'est un style de jeu, en plus, qui est complètement sous-représenté, en fait. Sous-représenté. En VR, on a Orbus, éventuellement. Tu penses que ça peut... vous pensez franchement que ça peut marcher, ce genre de choses, parce que... Si bon, c'est cross-platform, oui. Ouais, cross-platform, mais c'est vraiment essentiel que ça le soit, parce que tous les jeux multi, en tout cas une grosse partie des jeux multi qui sont sortis soit sur PC, soit sur... à part voilà, certaines petites exceptions, ils sont tous vautrés la gueule, quoi, malheureusement. Et même, et même chez les gros. Souvenez-vous qui tient encore Ubisoft. Un petit peu. Ouais. Ah, vous voulez dire en MMO, c'est-à-dire plus large non, que non, la non, non, non, des jeux multi où tu as besoin d'une communauté présente, si tu veux, pour faire fonctionner le jeu. Ah, qui bah, plus ouais, est sur c'est... un style de jeu très très chronophage comme le MMO justement, qui te demandera d'avoir le casque sur la tête très longtemps. Et moi c'est ça qui me fait un petit peu flipper. Alors, c'est-à-dire que dans la news, moi je m'étais vachement amusé à débunker le truc. Oui, alors c'est sûr que le studio s'annonce comme étant un fan de MMO, mais j'ai envie de dire... Mec, vous faites un MMO, heureusement quoi. Enfin, ça, c'est un discours purement commercial. Enfin, voilà, oui, on s'est marié sur un MMO, machin. Oui, ok. Nous, on est très plutôt content pour vous. En fait, à la base. C'est ça. On est très content pour vous. Vous soyez marié sur un MMO, que vous aimiez vraiment le MMO et tout ça. Mais est-ce que vous aimez le MMO à l'ancienne? Est-ce que vous l'avez remasterisé pour la VR? Parce que je te rejoins complètement. Un MMO, c'est quelque chose de très très chronophage. Vous savez, on a tous un petit peu l'image du joueur de MMO. Enfin, moi, en tout cas, j'ai l'image vous savez, de l'épisode de South Park. Voilà, c'est ça. Le mec a passé 12 heures sur sa chaise, complètement avachi, limite la bave en fait sur la joue. Qui a pris 70 kilos. C'est horrible. Qui a pris 70 kilos en 4 heures. C'est un cliché horrible et je suis pas du tout en train de dire que ce cliché existe, qu'il est véridique et que tous les joueurs de MMO sont comme ça. Mais par contre, effectivement, il y a une composante essentielle au MMO qui est la composante sociale déjà. Un MMO se doit d'être extrêmement social et la problématique de temps. Et en fait, on ne consomme pas les jeux VR en termes de temps comme on consomme le flat parce que c'est épuisant, en fait, fatigant émotionnellement et physiquement. Quand tu joues debout. Donc, non, en fait, même quand tu joues assis, je pense. Même assis, malgré tout, ça reste. Ouais, c'est ça. Ça reste quand même un peu plus épuisant. Et du coup, du gameplay que j'en ai vu, c'est impossible de concevoir qu'on va y jouer assis. Tu vois, alors là, pour le coup, moi, j'ai vraiment deux scissions. C'est-à-dire que soit tu t'assumes pleinement en disant... Enfin, c'est ma vision. Hein. Soit on assume vraiment pleinement le jeu en se disant, voilà, c'est un jeu VR, mais à la manette. Et dans ces cas-là, t'as du Resident Evil 7, très très performant dans ce qu'ils font, vraiment. Et je le redis, moi, c'est vraiment des jeux même comme ça. Hitman, si on lui enlève son tracking à la manette. ou alors t'as vraiment des choses sur lesquelles tu peux bouger, c'est ce qu'ils avaient montré, hein, tu peux tout escalader et tout, où là pour moi c'est vraiment debout que ça va jouer en étant dynamique en fait. Ouais. Et du coup j'attends vraiment de voir comment ils ont, parce que du coup ce sera une petite révolution dans le monde du MMO, comment ils ont révolutionné les donjons, comment ils ont révolutionné tout ça pour pas que tu... Enfin, impossible pour moi d'imaginer qu'ils aient fait des donjons où tu vas pexer pendant 2h30 obligatoirement, tu vois. Vraiment, il y a un gros, gros défi. Et en dehors de tout le discours commercial là, qu'ils ont pu faire là, dans leur dernière news, il y a vraiment... j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus et de voir ce qu'ils en ont fait. Je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas d'accord, par contre, sur... Je serais pas aussi catégorique, toi, sur la scission qu'il y a entre le joueur... Enfin, le jeu VR qui se joue debout et celui qui se joue assis, en fait. Tu disais tout à l'heure que toi, t'es passé de la VR sur PC qui prône vraiment et qui met vraiment en avant dans beaucoup de ses expériences le room scale, et ce qui n'est pas le cas sur PSVR. Et ça, t'as tout à fait raison. Et de toute façon, parce que le PSVR est mauvais en room scale, hein, ça, on va pas se le cacher. Oui, il en a pas. Il en a pas. C'est mauvais, c'est que tu te penches, tu captes plus rien, tu te tournes, tu captes à moitié. C'est ça. Et t'as des bugs, c'est de pire. Voilà. Alors que moi, tu vois, j'ai commencé sur le PSVR, donc moi, joueur console, assis, avachi, gros cul sur le canapé, pas de problème, j'assume. Mais et j'aime ça, en fait. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais je l'ai dit. Je comprends mieux pourquoi il est Hitman 3. Ah merde, j'avais dit que j'en parlais. Je parle pour moi. Ta gueule. Alors, et tu vois, quand je suis passé sur la VR sur PC, en fait, j'ai vraiment ressenti ce changement d'héritage de jeu et de d'expérience gameplay, ouais. Et de gameplay. Et du coup, j'ai pesté ça. Après, y en a pour tous les goûts. Il y a beaucoup de jeux. Moi, par exemple, Asgard Wrath, j'y joue assis et ça me pose aucun problème. Il y a beaucoup énorme, de jeux que j'y joue assis. Il est vraiment énorme, c'est un de mes préférés. Et, tu vois, vous en avez des exclus sur PC aussi. Oui, il y en a. Bah, Oculus, oui, Oculus fait sa marque là-dessus. Hein. L'Oneco, Attends, c'est un studio PlayStation. Que ça n'arrive pas sur PlayStation. Et tu vois, juste pour terminer là-dessus, en fait, par exemple, tu vois, un Half-Life Alyx que j'ai trouvé vraiment génial, j'ai pesté, je ne suis pas le seul, Spanx aussi, qui faisait partie de l'équipe, à la sortie du jeu, on a pesté parce qu'on ne peut pas jouer assis à ce putain de jeu, alors que tu as un bouton pour pouvoir te baisser. Tu as un bouton pour pouvoir te baisser. Tu as des rotations que tu te fais au stick et tu ne peux pas te baisser. Alors, je pense que. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça, Val? Pourtant, c'est des bons. Ils peuvent penser à ce genre de petits détails, tu vois. Bah, je pense qu'en fait, c'est pas qu'ils n'y ont pas pensé. C'est qu'il y a aussi le... et on en avait parlé hein, lors du débat qu'on avait fait ensemble, le poids de la communauté derrière. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu des jeux. Alors, je pense à Arctica One notamment, qui est une exclue également Oculus, hein, mais qui est un très très bon jeu, mais qui s'était pris un shitstorm mais phénoménal juste parce qu'en fait, il n'y avait pas de déplacement libre dedans. Parce qu'en fait, il y a une sorte un petit peu d'élitisme, faut se l'avouer, hein, sur le côté room scale en VR, voilà. Qui fait que effectivement, on peut pas avoir les deux. Mais aussi parce que c'est compliqué de faire un gameplay qui va quand même bien associer les deux. C'est-à-dire que tu peux le faire, ils auraient peut-être pu et ils auraient dû, clairement, parce que faut aussi penser à tous ceux qui peuvent pas jouer debout, bah tout simplement, soit parce que mal de dos, soit parce que, enfin voilà, il y a plein soit de raisons. Parce que pas de place. Ça aussi. Oui. Parce que pas de place, parce que... Parce que handicap, tout simplement. Oui, voilà, ou tout simplement, voilà, accessibilité, hein, très clairement. Très clairement. Et c'est vrai qu'ils ont pris le parti de se dire, ben, si on le fait autrement, les gens découvriront la VR autrement. Et eux, en fait, je pense que c'est vraiment une vision en fait, qu'ils avaient eue, en omettant limite volontairement cet aspect-là de jouer assis. Ils voulaient vraiment, je pense, que Half-Life et faire plaisir à la fois à leurs fans, et insuffler une vision, en fait. Hein. Il y a vraiment comme ça des studios, et Valve en fait partie, hein, qui ont une vision très précise de ce qu'est la VR. Oui. Et faut pas. Il y a beaucoup de joueurs, notamment sur. Ou alors toujours l'améliorer. Il y a beaucoup de joueurs, notamment sur PC, qui ne peuvent pas imaginer l'immersion dans un jeu VR sans pouvoir se baisser, se rouler par terre. Voilà, j'en sais partir. Mais un Alyx, point. Moi aussi, figure-toi. Alyx, il me semblait que vous aviez dit carrément que c'était un bug pour vous, ça. Ah, oui, en tout cas avec Spanx, on a vraiment, pour nous, je comprends pas, il n'y a rien. Considérez ça comme un bug. Tu bouges tes bras, tu n'as rien, et tu as un bouton, je le répète, hein, tu as un bouton pour te baisser, tu joues à un jeu debout et tu as un bouton pour te baisser. C'est quoi l'intérêt? Mais je suis d'accord, je suis d'accord là-dessus. Moi je le fais plus, hein. C'est vrai qu'au début je l'ai eu beaucoup fait, et maintenant en fait je me sers des boutons. C'est vrai? Ouais, moi je me baisse plus. No Man's Sky, je n'y joue que assis. Hein. Firewall, bon, je vais y jouer debout, mais je me sers du bouton pour m'accroupir. Je m'accroupis jamais en vrai. Mmh. Après, c'est compliqué par contre sur le PSVR. Tu peux te pencher, te regarder un peu vers le bas. Tu vois, t'as toujours ce système de réflexe, mais. T'es toujours dans le cône. C'est vrai que j'ai tendance à le faire. Des jeux comme ça, rester debout. Rester debout sur des sessions de 3 heures ou 4 heures, c'est vrai que... Non, ça me saoule, moi. Ah oui. Franchement, quand on joue à Asgard Wrath, c'est saoulant. Iron Man était un peu comme ça. Du coup, il faut adapter, en fait, Iron Man était un peu compliqué, dans le sens où t'avais pas mal de sessions, notamment les cinématiques où tu étais debout. Et moi, j'avais tendance à m'asseoir, pour le coup, mais c'est vrai que comme elles sont assez longues, si tu fais la session de jeu, plus... et en plus, il est assez dynamique, donc... Mais tu vois, c'est pas le jeu où je vais me retourner pour tirer. J'utilisais toujours le bouton pour faire la rotation. Ah ouais, tout le temps. J'ai détesté ce jeu. C'est ce qu'on disait. Iron Man, il a une quinzaine ou peut-être une vingtaine de niveaux, je m'en rappelle plus trop, mais t'as l'impression que chaque niveau a été développé par un développeur différent. Celui qui a développé Shanghai, il faut le virer. Hein. Vraiment. Vraiment. Ah, vous êtes dur. Mais... J'attends un patch PS5 d'ailleurs, j'espère. Alors Shanghai, rappelez-vous de ce que je vous avais dit de Shanghai. Moi, c'est devenu un running gag sur la web. Shanghai, moi, c'est moi qui avais fait le test d'Iron Man. Et le premier jour, déjà, Shanghai, j'en avais foutu plein la figure. Quoi. Ouais, on l'avait dit. Ça me choque encore. Hein. J'avais fait la preview et c'était pareil. C'est vrai que Bah, c'est vide, c'était... Bon, enfin, on va pas refaire le monde, mais... C'est un gameplay des années 90, c'est doublé de gratte-ciel, flaqué de PNJ, quoi. Enfin, de PNG, ouais. Pardon. C'était compliqué, j'avoue. Ça fait rêver. C'est vrai que quand tu passes de Malibu à ça... Non, mais même... comment il s'appelait Richie Splank ? Eh ben, la ville, elle était plus vivante que... Ah, pourtant, que pourtant il était moche, hein, la vache. Ah bah, si tu prends le... Alors, si tu prends l'expérience Spider-Man Far From Home, qui est plus vivante aussi, pareil, que le niveau de Shanghai, et pourtant, c'est un jeu gratuit. Donc, ouais, ouais, très bien animé, d'ailleurs. Et j'aimerais bien qu'ils fassent une suite à ça. Ouais, en... bon, peut-être qu'ils vont... Faut qu'ils ressortent un film, c'est tout. Non, mais l'expérience gratuite, là, j'aimerais bien qu'ils en sortent un vrai jeu, parce que la deuxième, autant la première était pourrie, ah, d'accord. Autant la deuxième était top. Enfin, t'étais vraiment Spider-Man, un peu comme dans Jupiter Grad, tu sais, le même type de gameplay, mais ouais, avec ouais. Spider-Man, quoi. Très bon jeu aussi, Jupiter Grad. Ouais. Un jeu à speedrun, d'ailleurs. Oui. Ah oui, complètement. Complètement. Donc voilà, on a bien parlé de Zenith. C'est égaré. Légèrement. C'était quoi le jeu à la base ? Zenith. Le MMO. Bah justement, c'est bien, c'est ça qui est intéressant, quoi. On part d'une idée et puis forcément on amène une autre. Donc c'est normal. Ensuite, nous avons quand même le dernier jeu qui a été annoncé également. Et le plus gros. Et là, il efface Doom 3, hein, Majo. Ah, After the Fall, si, franchement, j'en avais parlé. Ouais. Alors, bah, c'est After the Fall, donc de Vertigo Games. Vertigo Games, c'est Arizona Sunshine. Arizona Sunshine. N'est-ce pas, donc, un des meilleurs jeux à la sortie de la VR en général et pas que du PSVR. Oh, j'ai une question con là-dessus. Ah, sorti. After the Fall, c'est après la chute ou après l'automne ? La chute, ouais. C'est après la chute, ouais. Bah, c'est un monde post-apo zombie. Donc, c'est en hiver. Et alors ? C'est après la chute de... L'hiver, de la... c'est après l'automne ? Non, mais... D'accord. Oui, ah, d'accord, je vois, d'accord. Ah, non, c'est après la chute, peut-être. Non, j'ai pas compris. La chute de la civilisation ou un truc comme ça. Non, Fall, c'est quoi ? C'est l'hiver, non ? Non, c'est temps. Bah, c'est les deux. C'est soit l'automne, soit la chute. Voilà. Donc, bon, on verra. Ça sera certainement indiqué. C'est une question con. Déjà sur son titre... Je vous avais prévenu, c'est une question con. On n'est pas d'accord. Et donc du coup, ouais, non, mais c'est un monde. Je sais plus ce que je disais. J'en étais où ? Merci, Laurent. Tu vois, ma question con a été efficace. Voilà, ouais, super. T'as bien foutu la merde. Comment perdre le fil ? Ah putain, mais j'ai Google en plus qui s'est déclenché pour de vrai. Merde. Donc ouais, non, bah, Vertigo Games, donc gros jeu Arizona Sunshine qui a été relativement suivi, il y a eu un DLC un an après sa sortie, je crois. Et donc très bon jeu à la base. Ils sont revenus avec After the Fall, donc ils nous avaient présenté pour un State of Play de 2019, je me rappelle plus la date exacte, qu'on avait trouvé sympa. Alors c'était un CG trailer, il n'y avait pas de gameplay à proprement parler. Et donc là hier ils sont revenus avec une grosse session de gameplay en nous en expliquant un peu plus. Et en fait ce jeu est sorti, la présentation de ce jeu avait été annoncée plus ou moins en même temps que World War Z, je sais pas si vous vous rappelez de ce jeu, que j'avais trouvé formidable, auquel j'ai pas mal joué, et du coup je me suis toujours rêvé à avoir ce type de jeu en VR, avec des masses de zombies et des hordes que tu peux jouer en coop jusqu'à 4. Et du coup, bah, c'est plus ou moins ce qu'ils nous ont pendu. Alors, je pense pas qu'on ait autant de zombies que dans World War Z, parce que sinon, les consoles elles vont fumer. Ou Left 4 Dead. Mais ça a l'air d'être un peu le même principe où tu vas avoir des hordes de zombies plus ou moins nombreuses avec des zombies aussi plus menaçants que les autres, de par leur force et de par leur taille, puisque apparemment il y en a un qui est assez impressionnant, comme on a vu dans le trailer. Un tank. Exact. Donc c'est jouable. En fait, c'est Left 4 Dead, hein. C'est oui, c'est pas faux. Ouais, oui, complètement, c'est vrai. C'est assumé, hein. C'est vrai. Et donc non, bah là que du bon, hein. Ça a l'air plutôt joli, même si c'est du CG, voilà. Enfin bon, ça fait envie. L'environnement, ça se passe à Los Angeles. Après, après une invasion zombie. Après The Fall. Voilà. Et puis, ça a l'air quand même très prometteur, quoi. C'est une drogue de synthèse qui a mal tourné, apparemment. Ouais. D'accord. Les mecs, ils se droguaient et puis du coup, ça a transformé. Et en fait, c'est pas vraiment des zombies. Ils appellent ça des snowbreed. C'est des monstres qui se déplacent en horde, un petit peu comme des loups. Et donc, ben, c'est là que ça va être très utile de jouer à 4 dans ce genre de truc. Parce qu'à mon avis, ça va être vraiment par horde, donc par vague. Comment ça va être chacun pour sa gueule, comme dans tous les jeux multi. Ben, c'est ça. Le truc que je trouve bien, ça c'est qu'il y a des joueurs qui n'aiment pas les jeux de zombies parce qu'ils flippent, tout simplement. Exact, mais c'est mon cas. C'est pour ça que j'adore les jeux de zombies en coop. Et là, à 4, ça peut être drôle, en fait, parce que ça prend une autre dimension. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a juste un truc qui me fait un petit peu peur, c'est que bah forcément c'est l'ambiance qui veut ça, mais c'est le blanc et le bleu qui sont des couleurs, moi, que j'ai un petit peu de mal, étant légèrement vieillissant, à supporter dans le casque. Tu sais, quand on me met, par exemple, là j'ai refait Wipeout, et Wipeout, quand tu passes de menu, quand tu passes en général dans un menu, t'as une lumière blanche aveuglante dans la tronche. Oui, c'est vrai. Qui t'éclate littéralement les yeux. Et là, j'ai l'impression que le jeu joue quand même beaucoup, beaucoup dessus. Donc, C'est l'hiver, donc il faut cet aspect blanc, brumeux. Il faut cacher la misère peut-être aussi si tu as beaucoup de choses à faire. Je pense justement, va vraiment falloir baisser la luminosité du jeu pour pas trop se faire éclater. Quoi. Du coup. Donc, grosse hype pour ce jeu. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il va y avoir apparemment des boss gigantesques. On va se retrouver dans du God of War à 4 et puis il va falloir dégommer du boss géant, donc ça peut être sympa. Et puis l'autre truc que je retiens, c'est que derrière il y a des gros moyens quand même, parce que c'est Vertigo Games qui a été racheté par Koch Media, et Koch Media fait partie du groupe Embracer Group, qui est l'un des plus gros groupes, je pense, au monde. Il a 59 studios de développement en tout. Ils ont racheté récemment Gearbox. Game Gear, ils ont racheté également Aspyr. Leur dernier communiqué de presse aux investisseurs, ils sont à fond sur la VR, donc ils sont en train de ils vont, à mon avis, ils vont nous sortir des gros trucs. Ils placent leur pion à surveiller. Ouais, voilà, exactement, ils sont en train d'investir énormément sur la VR. Zazel, toi, t'es hypé un petit peu par ce jeu-là ? Ouais. Yep, carrément. Oh là là là là. Le micro marchait plus. Faudra faire un petit montage. Oui, tout à fait, j'ai pas vu que j'étais mute en fait. Mais oui, carrément, gros jeu. Grosse attente là aussi. Je crois qu'il est dans l'Oculus Store, dans le précommande depuis au moins 2019, effectivement. D'accord. Donc, grosse attente. Grosse attente sur ce jeu. Après, on n'en sait pas grand chose, honnêtement. Pour le moment, non. Voilà. Je pense que de toute façon, voilà, ça sent pas trop mauvais. Ça sent le zombie. Oui. Et c'est toujours bon signe. Du coup, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. J'ai l'impression, messieurs, en tout cas. Oui. On a vu les 6 jeux. Au niveau des 6 jeux, au niveau du PSVR 2, est-ce que vous avez des choses à rajouter dessus? Qu'on est très content. Qu'on est content. Oui. On est enfin content que PlayStation décide d'ouvrir un peu les vannes et de nous faire comprendre que on a encore un peu de chemin à parcourir avec notre casque, et puis qu'il y a des jeux qui arrivent, quoi. Enfin, voilà. Ah oui, content en tant que joueur VR de savoir pourquoi je vais acheter une PS5, en fait. C'est ça, ouais. C'est ça. Et juste un truc, Laurent, tu m'en avais parlé avant l'émission, tu voulais cracher un petit peu ta bile, et c'est gratos, et ça fait plaisir, et ça soulage. De temps en temps, sur les infos qu'on a, enfin les certains retours qu'on a en ce moment de certains. Oui, c'est toujours pareil. Il y a 99,9% des gens qui regardent, et puis il y a le 0,1 qui déborde dans les commentaires. Là récemment, c'était justement par rapport à ce PSVR 2 où on nous a reproché d'avoir été un peu trop violent dans nos propos quand Sony justement nous a dit clairement qu'il n'y aurait pas de VR avant 2 ou 3 ans. C'est ce que je dis à tout le monde en tant que site d'actualité VR. Nos articles, ils sont en fonction de l'actu et des communiqués de presse qu'il y a. Donc, forcément, si c'est pas bon, on va pas faire un grand sourire et puis dire mais vous inquiétez pas, ça va être bien, parce que si c'est pas bien derrière, on va nous le reprocher aussi. C'est ça. Donc, l'optimisme trop. Voilà. Donc, le problème, c'est que beaucoup de gens ne lisent pas. Ils s'arrêtent souvent au titre. Et derrière, eh ben, ce qui est rigolo, c'est que s'il y a eu un article, en effet, où c'est qu'on a précisé que Sony lâche la VR au moins pour 2 ans, parce qu'il y avait au moins pour 2 ans, entre parenthèses, et puis derrière, ils disent « Ouais, c'est pas vrai, Sony, vous avez vu, ils n'ont pas lâché la VR », eh ben, il fallait lire l'article suivant, parce que le suivant, eh ben, justement, il ouvrait la porte à d'autres possibilités. Voilà, donc bon, c'est une parenthèse. C'est pas faute d'avoir été clair, en tout cas, et... Et si c'est uniquement pour cracher dans la soupe et puis dire de la merde, moi clairement je leur pisse à l'arrêt, mais bien comme il faut. c'est sincère, ça vient du fond du cœur, et voilà, se faire traiter d'idiot par un espèce de. C'est une de façon random, de dire les choses également. Par un espèce de random péon sur YouTube, un pauvre type, après ça va être des gros mots, donc du coup. Après on reste comme tout le monde, comme on l'a dit au début, ça rejoint toujours ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'on n'est pas des pros, on reste des passionnés. On s'informe beaucoup, on discute avec énormément de gens, des devs, Zazel qui fait partie d'un autre groupe, comme on l'a vu. On partage ce qu'on ressent à l'instant T sur certains moments, et puis avec des hauts dans et des les bas. Articles, voilà. Et puis dans les articles, c'est toujours développé. Et en plus, c'est quand même, comme disait Laurent, c'est malsain de se cantonner qu'au titre, parce qu'en général, c'est pas du tout le fond de l'article, et il y a toujours une petite subtilité. Donc, écoute, c'est de bonne guerre, je te dirais, ils réagissent aussi à chaud quand ils voient leur truc. Maintenant, il y a toujours une chose qu'on appelle la courtoisie qui existe et la politesse. Et tu peux exprimer ton mécontentement, mais de la bonne manière, voilà. Exactement. C'est le truc le plus intelligent qu'on pouvait dire là-dessus, en tout cas. Un peu plus, un peu plus pondéré que moi. Ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec le Je peux aussi être très con, j'espère bien, ouais. Le PDG de Aldin Dynamics, qui ont fait Waltz of the Wizard, qui lui avait carrément, clairement publié sur Twitter, je crois, qu'il arrêtait, il stoppait toutes les mises à jour de tous ses jeux sur PlayStation VR, parce qu'à cette période-là, il disait, moi, en tant que studio, j'avais des jeux en cours, est-ce que je dois faire mes DLC, est-ce que je dois faire des mises à jour, j'ai aucun retour. Donc lui, il avait carrément publiquement dit, j'arrête tout. Et puis le jour où il y aura du nouveau, ça rejoint ce que disait Zazel tout à l'heure sur la confiance qu'il fallait que les Sony redonnent. Exactement. Exactement. Donc il y a des retours comme ça de studios, on en a eu plusieurs. Et quand à chaque fois on leur posait la question, alors il y en avait qui disaient rien, qui répondaient pas parce qu'ils savaient pas quoi répondre. Et puis il y en avait qui étaient prêts à les démonter parce qu'ils disaient, mais surtout ceux qui ont des jeux en cours ou qui c'est des investissements, il y a du monde à payer derrière. Et puis tout d'un coup tu sais plus où tu vas. Ça brise des ailes. Hein. Voilà. Donc il faut. Alors si c'est des petits studios qui sont pas très nombreux, qui sont une dizaine de développeurs, voire beaucoup moins. Et qu'ils ont commencé leur jeu, et ben ça paraît clair que à ce moment-là ils lâchent complètement Sony et ils vont développer sur PC puis ils verront plus tard. Donc cet article c'était pas spécialement pour balancer en disant que Sony ils arrêtaient tout. C'était surtout pour dire que je trouvais pas ça forcément bien de faire cette cassure et que pour moi la PS5 il aurait dû avoir une petite phrase avec. Pour dire, elle sera VR, tout simplement, plutôt que de la dire maintenant, parce que finalement il y avait que 2 mois d'écart. Ouais, c'est vrai après, que cette scission, on a tous cru que voilà l'annonce de la PS5 et la sortie de la PS5 serait l'ouverture. Bon, au final, c'est un peu ce qui s'est passé avec quelques mois de retard, mais c'est ce qui s'est passé. Mais on pensait que ça se ferait beaucoup plus tôt, et puis surtout cette absence de com et des devs et de PlayStation et de tout le monde au final où. Mais tout le monde était. Il y a le dev de comment il s'appelle ce jeu Lofi. Non, le truc cyberpunk. Lofi. Lui, c'est pareil parce qu'il avait balancé le logo PlayStation PS5 sur son trailer. Il l'avait annoncé de partout comme le futur jeu PS5 VR. Derrière, il s'aperçoit que les kits de développement sont pas bons. Donc après, il dit le jeu sera bien sur PS5 mais en plat. Et là maintenant il revient en disant non il sera en VR. Donc tu sens que derrière ils savent plus quoi, même au niveau communication, les studios ils sont un peu paumés quoi. Je pense qu'il y aura plus de choses dans les mois à venir justement. Donc, je pense que ça va voilà. Là maintenant le gros point à retenir c'est que maintenant qu'on a ce PSVR 2 officiel, moi maintenant je peux être patient. Maintenant, je peux attendre 2 ans un PSVR 2 s'il y a quelques jeux qui sortent sur le PSVR 1. Et alors, j'avais une autre. Enfin, j'ai pensé à ça tout à l'heure. Est-ce qu'ils l'ont pas fait exprès pour les fêtes de Noël? Histoire de vendre une dernière petite slave de PSVR V1 pour Noël, couler les stocks et ensuite annoncer début 2021. C'est possible, c'est pas bête, c'est possible. Je pense aussi qu'ils voulaient pas balancer tous leurs atouts sur la table et qu'ils voulaient. C'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais on a un peu l'impression qu'ils étaient contraints et forcés du coup de sortir cette info parce que ça a fait suite au Joy-Con Drift et on a aussi évoqué le fait que ça soit pour. Compenser cette mauvaise pub. Enfin bref. Oui, parce que le drift était bien parti pour enflammer la toile. Ouais. Ouais, ça a un peu fait retomber le soufflet, quoi, du coup. On en entend plus trop parler. Une contre-communication. Bon, enfin, c'est une bonne nouvelle, en tout cas. Et ça n'annonce que du bon pour l'instant. Donc, espérons que ça continue comme ça et puis que ça évolue dans le bon sens. Quoi. Exactement. En tout cas, voilà, on aura l'occasion, je pense, d'y revenir dans les semaines à venir. Il y aura toujours plus d'infos, de toute façon, qui vont tomber. Ça, on en est absolument persuadé, que ce soit sur le PSVR ou sur le futur PSVR 2. Les choses, en tout cas, sont le temps est en train de s'éclaircir. Et ça, c'est cool, ça fait plaisir et ça donne un petit peu de bon normal, cœur. Normal, les théories. Exactement, tu vois, tout va bien et tout était calculé, évidemment. After the winter. Voilà, after the winter, the summer is coming. Voilà. Je tenais à remercier tous ceux qui nous suivent, tous les auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à écouter le podcast, à nous soutenir, à nous faire des retours sur VR4Player, à ceux justement aussi qui nous laissent des petits commentaires soit sur le site, soit sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Je rappelle comme à chaque fois que si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez noter le podcast, que ce soit sur iTunes et il me semble aussi sur Podcast Addict, on peut le faire, c'est important pour le référencement et ça vous coûtera pas grand chose en temps et ça sera vraiment utile pour nous. On te remercie Zazel pour ta participation au podcast. Merci. Bah écoute, c'était un grand plaisir. Merci. Un grand plaisir. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Donc, on va faire. Plaisir partagé. C'est une occasion. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir en tout cas très très bientôt sur le pod pour notre sujet, ça serait cool. Ou d'autres d'ailleurs de TR hein, si ça les intéresse. Pourquoi pas, complètement. Non, c'est intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses en fait à confronter la partie PSVR avec des pros PCVR et c'est très intéressant. Enfin, en tout cas pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses. Eh ben, écoute, c'était le but, moi également. Hein. Donc, puis partager comme ça les visions, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Donc, vraiment avec grand plaisir. Et bah, n'hésitez pas à commenter si jamais, les viewers le veulent également. Très cool. Commenter quoi? Non, il n'y a pas de commentaires, c'est un podcast, pardon. Ah bah oui. Non mais tu sais, nous c'est old school, hein. C'est avancé, oui, non, mais c'est pas... T'as vu la gueule du Discord, je veux dire Nous c'est avec deux bouts de bois, hein, et puis voilà. Donc voilà, et puis on espère te retrouver aussi bientôt, si l'occasion en tout cas le permet, sur la Web TV, parce que c'était une expérience aussi qui était vraiment intéressante, et c'était bien, comme tu disais tout à l'heure, de confronter deux visions. C'est toujours hyper enrichissant et on se refera ça très bientôt. Tout à fait. Exactement. Et finalement, comme ils disent dans le sport, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, un truc comme ça. Exactement. Comme les bons gens. Exactement. C'est ça. La simulation. C'est ça. Voilà. Et c'est exactement ça. Tout à fait. Voilà. On vous fait des gros bisous. On vous dit à dans 2 semaines. Et puis, ciao. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Portez-vous bien. Allez, ciao. Ciao. Thank you. Ah, j'ai oublié, je voulais refaire une vanne sur les Daft Punk, mais j'ai complètement zappé. Non, c'est pas grave. Moi aussi, j'avais 2-3 trucs à dire. Ah bon? Tu voulais dire quoi? Merci aux abonnés Twitter, parce qu'on était passé, on avait passé la barre des 1000, et puis aux gens de se réabonner à Vrac. Donc voilà, ça sera pour le best-of. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est pour vrai. Le bêtisier. Exactement. On peut rajouter une phrase. Ouais. Bon, bah voilà, bah ça c'est fait.